je vais entendre. Entre évolution et révolution, notre planète connaît de multiples et profondes mutations qu'il n'est pas toujours évident de comprendre. Assaillie par des préoccupations quotidiennes, vous n'avez peut-être pas toujours le temps de vous brancher sur une source d'informations fiable. Radio Bonne Nouvelle vous offre une solution. Tous les samedis à partir de 12h30, arrêtez-vous à la station 99.6 FM et faites le plein de l'information utile de la semaine écoulée au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Vous y trouverez des journalistes, des politiques, des analystes à la pointe de l'information pour votre plus grande satisfaction. RBN Hebdo, l'info hebdo qu'il vous faut. Avec Patrick Chouinkam et Raoul Patrick Bifeyok, tous les samedis, 12h30, 14h. Dans l'église élue, manifestant la parole de leur jour. Samedi 26 décembre 2015, vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, il est 12h31. Merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue à RBN Hebdo, ultime édition de cette année, émission quelque peu décalée du format habituel. Cet après-midi, RBN Hebdo ouvre le débat sur une question lancinante qui traverse, divise et oppose l'opinion au sein de l'Église. Le chrétien et la politique, compatible ou antinomique, un chrétien peut-il militer dans un parti politique? La politique, une arme diabolique, un terrain dangereux pour le chrétien, s'impliquer ou s'en tenir le plus éloigné possible? RBN Hebdo ouvre le débat 2h des directs pour tenter, dans la mesure du possible, d'élucider cette épineuse question. Et pour mener le débat, nous sommes en compagnie, et c'est inhabituel, de quatre invités autour de cette table qui, vous le verrez, ne partagent pas nécessairement la même opinion. À côté de moi, l'apôtre Robert Kamte. Bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs et bonjour à nos chers auditeurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation malgré un emploi de temps surchargé en cette période. De rien, j'ai tout fait pour être là. Merci, nous en sommes honorés. À ma droite, le pasteur André Christel Fanga, qui est aussi impliqué dans le domaine médiatique, patron d'un groupe de presse, et vous allez voir son opinion sur la question. Bonjour et bienvenue pasteur. Merci de m'avoir invité et je salue tous les copanélistes et tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci. Et en côté, le président Bandakani, président du Nouveau Mouvement Populaire. Bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour, bonjour à vos auditeurs et à mes copanélistes. Très bien, merci. Je rappelle que vous êtes homme politique. Vous avez fait vos armes dans le MANIDEM, le Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance, où vous avez gravi tous les échelons jusqu'au poste du président de ce parti. Vous avez rencontré le Seigneur. Et on verra ce que vous pensez, même après avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance, de la compatibilité ou de l'incompatibilité entre christianisme et politique. Et tout à côté, le quatrième invité, le pasteur Élie Bertrand Tchabda, auquel nous disons bonjour et bienvenue, pasteur. Frère. Ah voilà, vous préférez frère. Frère, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Merci d'avoir consenti à faire le déplacement. Merci à tous les quatre d'être là pour tenter d'élucider cette épineuse question. Nous sommes, moi personnellement, régulièrement pris à partie sur ce qui concerne l'implication au nom de la politique du chrétien en politique. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet, apôtre Robert Kamte. Est-ce que le chrétien doit faire la politique? Là, nous parlons de politique politicienne, ce qui consiste à militer, conquérir et conserver le pouvoir. Non, je pense que le chrétien ne devait pas faire de la politique. Mais pourquoi? Ben parce que c'est deux champs assez différents. Mm. Il n'est pas possible de faire de la politique sans salir les mains. Mm. J'en veux pour preuve Martin Luther qui a créé l'église protestante, qui était moine, et quand il a reçu Jésus, réellement dans sa vie comme son sauveur personnel, il a été accosté par le roi de son pays, s'en joint à lui pour d'une part éviter de payer des impôts à Rome, qui à l'époque gouvernait le monde par le biais du christianisme, Et ceux qui ont l'histoire se rendent compte que Luther a rendu des jugements peu favorables. Parce que la pression politique ne peut pouvoir pas le laisser la main libre. Donc l'intrusion dans le champ politique l'a forcément contraint à la compromission. Ah oui, on ne peut pas faire la politique sans faire la compromis. Sans se compromettre. Oui, parce que généralement quand on vous dit il faut faire des compromis, il faut faire des réunions sur tel sujet, et puis on amène des gens à pouvoir compromettre sur leur position pour pouvoir rallier la position des autres, ou alors de faire ce qu'on appelle de mesure, c'est de faire ce qu'il faudra faire pour que tout le monde soit content. Dans tous les cas, Jésus a séparé la politique d'après le christianisme. Tout à l'heure, je vais... Très bien, abonder dans ce sujet. Ouais. Très bien. Bandakani, il dit qu'il est impossible de faire de la politique sans renier ses convictions chrétiennes, sans maintenir son authenticité, sa fidélité envers le Seigneur. La première chose, être chrétien ne veut pas forcément dire qu'on est enfant de Dieu. Nous parlons du cas des enfants de Dieu. Il faut bien faire la distinction. Dieu connaît ses enfants. Chrétien, c'est une religion. Telle que ça fonctionne, c'est une religion comme une autre. Et puis quand on est chrétien, on ne veut pas dire qu'on est intelligent. Donc, quand on les arguments que l'apôtre convoque, il dit on ne peut pas faire la politique sans se salir les mains. Première chose, il n'y a pas qu'en politique où il y a la tentation de la salissure des mains. On se salit les mains partout, en commençant par la pastorale. Il y a plein de tentations et de risques dans la pastorale. Et plein de pasteurs ont les mains sales. Très sales. Donc, il n'y a pas qu'en politique. Dans les affaires, on salit les mains. Dans sa propre famille, sa maison, dans les fonctions de parents, on se salit les mains. Dans toutes les activités de la vie, il y a le risque de salissement de la main. Donc ce n'est pas qu'en politique. Peut-être qu'en politique, la tentation est plus élevée. Non, pas du tout. Pas du tout. Et tout à l'heure, on va le démontrer. Et puis, deuxième chose, un enfant de Dieu ne peut pas se salir les mains. C'est qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Puisqu'un enfant de Dieu est dans le monde sans être dans le monde. Sans être du monde. Claire. Il ne peut pas, sinon, il n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se salir les mains. Moi, j'ai fait la politique depuis 30 ans. D'abord, avant de rencontrer le Seigneur, rarement, je me suis sali les mains. Il y a des témoignages pour ça. J'étais au Malédème 10 ans et ailleurs. On parlait de se renseigner. Et depuis que je suis venu enfant de Dieu, je ne me suis jamais sali les mains. Et je ne me salirai jamais les mains. Très bien. Parce que je suis un enfant de Dieu. Donc il faut que le débat soit posé sur des bases un peu plus solides. D'accord. Élie Bertrand Tchabda. Oui. Le chrétien peut-il faire la politique? Tout à l'heure, on a convoqué le fait que le risque de se salir les mains, entre guillemets, est plus élevé. Oui, ça, ce sont des tentatives d'argumentation. C'est-à-dire que c'est l'une des choses citées pour démontrer les gloires dans l'un ou dans l'autre camp. Mais la question telle que posée, la réponse est fatalement oui. Le chrétien peut-il faire la politique, puisqu'il se déclare chrétien et il fait de la politique, et même avant d'être enfant de Dieu, il le faisait d'abord. Donc voici la preuve. Donc si je disais ici sur ces antennes que le chrétien ne peut pas faire la politique, c'est que je me trompe sur le plateau déjà. Donc mais la question normalement, c'est le chrétien doit-il le faire? Ça, c'est vraiment là où on va maintenant commencer à regarder la Bible. Maintenant, le chrétien fait partie à part entière d'une citoyenneté dans une république quelconque. Donc en fait, le chrétien a ceci de clair, qu'il a double citoyenneté. Il est en même temps citoyen du ciel, comme l'apôtre Pierre le dit dans le livre 1 Pierre chapitre 2. Il dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. Et dans le livre d'Hébreux chapitre 11, les versets 13 à 16 dit par rapport à tous les héros de la foi, en disant que s'ils avaient eu le temps de posséder une patrie, que ceux qui parlent ainsi disent montrent qu'ils cherchent une patrie. Parce que s'ils avaient le temps de la trouver, ils auraient le temps d'y revenir. Mais ils ont maintenant, ils désirent ce qui est céleste. Donc nous avons double citoyenneté. Il faut qu'on comprenne bien cela. Le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 18, le verset 36 dit clairement que son royaume n'est pas de ce monde-ci. Maintenant, lorsque nous voyons la charte et la cartographie biblique, nous voyons effectivement qu'il y a un système de fonctionnement qui est mis en place depuis Nimrod. Et dans le livre de Daniel, Dieu va donner à plusieurs fois, et particulièrement à Nebuchadnezzar, qu'il y aura quatre royaumes sur la terre particulièrement, et des différents fonctionnements qui vont se défiler sur la terre. Et puis maintenant, il y avait le dernier royaume, non, sera le royaume du Seigneur Jésus-Christ, dont le caillou est un rocher descendu, et puis il l'a fait. Maintenant, pourquoi le chrétien, déjà il faut qu'il donne ma réponse avant d'avancer, le chrétien ne doit pas faire de la politique. Pas parce que, pas parce qu'on va se salir les mains ou quoi, et comme le frère en face a dû citer, dans tous les domaines, on a la possibilité de se salir les mains. Et il a cité le cas des pasteurs, nous entendons chaque jour des pasteurs qui ont couché avec des femmes d'autrui, qui ont fait des malversations et tout. Donc, ce n'est pas pour autant pour dire qu'on ne doit pas être pasteur. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai dit que le chrétien ne doit pas faire la politique? Maintenant, je m'éteins donc dans ce domaine-là. Le chrétien ne doit pas faire la politique parce que le principe divin le prescrit. Ça, c'est le pourquoi. Maintenant, le royaume. J'en arrive là maintenant. Le principe, par exemple, nous trouvons au Cameroun sur le principe démocratique. Le principe démocratique a pour base Satan. Ça, il faut que je le dise. Et je vais, quoi qu'on a assez de temps de débat. Que c'est le principe divin qui intéresse de faire la politique. Voilà. C'est plus intéressant. Alors maintenant, voici ce que la Bible déclare, par exemple. La Bible déclare que son royaume n'est pas de ce monde. Je vais prendre la définition, par exemple, de la démocratie telle qu'on nous a enseignée depuis l'école. Nous sommes dans la politique. Voilà, nous sommes dans la politique. Nous en mêlons pas les pédales. Oui, oui. Non, je dis, plus que la politique, on peut parler de la politique et la participation à la politique sans parler de cette démocratie là maintenant, parce que il a été dans un parti politique, dans ces cas il est dans un rythme démocratique. La démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple. C'est ça le résumé de la démocratie. Et en ce sens là Dieu ne détient pas son pouvoir du peuple. Le pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir théocratique royaliste, le gouvernement royaliste, où Dieu est le seul roi. C'est pour ça que son royaume sera établi. Il n'y a pas de vote. On ne vote pas là-bas pour appartenir à quoi que ce soit. Et là, lorsque nous parlons donc, est-ce que le chrétien peut militer doit faire la politique? Peut militer dans un parti. Voilà, si c'est dans un parti politique, c'est là encore, c'est encore terrible. Parce que par exemple, lui, il est opposant. Et là où il se trouve, là, il est opposant. Il est opposant au régime en place. Et la Bible nous déclare dans Romains chapitre 13 qu'on ne doit pas s'opposer. On dit toute personne qui s'oppose à l'autorité, quel qu'en soit le cas, parce qu'il va vouloir influencer les gens par les idées qu'ils vont proposer, les propositions de peuple, pour qu'on puisse renverser le régime qui est en place établi par Dieu. Donc ça veut dire le simple fait même déjà d'appartenir, d'avoir un carte et un nom sur une liste. Je vais prendre de l'autre côté. Dans un parti d'opposition, c'est déjà il y a une infraction par rapport au principe biblique. Au principe biblique, maintient là. Maintenant, s'il est de côté du parti au pouvoir, c'est encore une repère de mal, parce que s'il est renversé, il devient maintenant opposant. Donc je maintiens là pour le moment et je vais démontrer plus tard. On va y arriver. Pasteur André Christel Fanga, chrétien, il est étrange, Abdaïli, le chrétien ne doit pas faire la politique parce que c'est à l'opposé des prescriptions bibliques. Alors, vraiment, je suis étonné d'attendre un tel développement d'un enfant de Dieu animé par l'Esprit de Dieu, sûrement. Parce que, vous savez, il est clair, définissez politique. Politique, c'est une façon de gérer. Ça, c'est la définition de la politique simple. Politique carré, gestion de la cité. Gestion de la cité, gestion des affaires, gestion de ceci, gestion. Donc, c'est ça la définition politique. Gérer une église, c'est faire la politique. Bon, mais là, nous parlons de politique politicienne. J'arrive. Oui, allez-y. Écoutez, il faut que ceux qui nous écoutent, nous ne sommes pas venus dans la discussion, nous sommes venus échanger. Tout à fait. Alors, si vous voulez faire la discussion, on arrête. On est venu échanger pour que tout le monde puisse comprendre ce que nous sommes venus faire ici. C'est pour ça qu'à l'entame de l'émission, je demandais si l'émission est programmée pour 3 heures. Parce que vraiment, ça sera... On aura besoin du temps. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la politique, c'est une façon de gérer, c'est une façon de faire les choses. Maintenant, chrétien et politique, est-ce que le chrétien doit faire la politique? Oui, le chrétien doit faire la politique. Même la politique politicienne, parce que c'est un mensonge de Satan et ses anges et ses démons qui ont fait croire que non, le chrétien ne doit pas faire la politique, parce que dans la politique politicienne, il y a le mensonge, il y a la compromission, il y a ceci, il y a cela. C'est un gros mensonge de Satan. Et les pasteurs sont entrés dans cette logique-là du mensonge de Satan, pour dire aussi que non, les enfants de Dieu, les chrétiens ne doivent pas faire de la politique. Attendez, si vous ne faites pas de la politique politicienne, les qui vont gérer les villes, les qui vont gérer les ministères, les républiques. Et pour vous prendre un exemple direct, d'un enfant de Dieu né de nouveau parlant langue, président de la République du Ghana, qui est enfant de Dieu, né de nouveau parlant en langue, il est président de la République. Vous pensez que dans ce pays, ou bien dans notre compréhension des Saintes Écritures, faire de la politique politicienne veut dire exactement, directement, se serrer les mains, c'est-à-dire être franc-maçon, rosicrucien, ou bien je ne sais pas quoi? C'est ce que les gens pensent. Et c'est ce que l'Église, et tellement l'Église qui est habituée à chasser les démons, voit les démons partout. Et ils sont toujours en train de voir le démon dans la politique, le démon dans ceci, le démon dans cela. Non, mon frère, ma soeur, le chrétien doit faire la politique. Le chrétien doit appartenir à un parti politique selon que le Seigneur l'a indiqué. Très bien. Apôtre Robert Kanté. Voilà, très bien. Je voulais poursuivre mon débat tout à l'heure que je ne crois pas qu'un chrétien doit pouvoir faire la politique. Je vais m'expliquer. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans notre monde. Il a prêché la bonne nouvelle et les politiciens l'ont attrapé et l'ont crucifié. Ensuite, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc on a demandé, qui es-tu? Il dit, si j'étais de ce royaume, mes soldats auraient empêché qu'on puisse mettre la main sur moi. Et la Bible dit qu'on suivait Jésus-Christ hors du camp. Le monde l'a pris, on l'a mis hors du camp, et on l'a exécuté là-bas. Et il nous attend, non pas dans la cité, mais hors du camp. Cela signifie qu'on doit se mettre au-dessus de la politique. On ne peut pas faire la politique et garder les mains propres, disait un sage. Vous ne pouvez pas. Ce président dont notre frère fait état, il parle en langue. C'est pas parce qu'il parle en langue, ça veut dire qu'il est chrétien. Les démons parlent en langue. Donc s'il parle en langue, ça ne veut rien dire. Les démons parlent en langue. Beaucoup de personnes qui parlent en langue vont aller en enfer. Donc vous excluez le fait qu'un chrétien puisse être président d'une nation? Je ne pense pas qu'il puisse être président et gérer le pays sans compromettre sa foi. Parce que il n'est pas président d'un royaume dirigé par Dieu. Il y a un royaume dont nous attendons, dont la justice sera celle de Dieu, et nous allons pouvoir le gérer selon que la Bible, selon que Dieu le voudra. Le monde actuel est géré par Satan. N'oubliez surtout pas. Le monde actuel est commandé, gouverné et dirigé par Satan. Et la responsabilité de l'Église, c'est de laisser Satan continuer de... Non, la responsabilité de Dieu, c'est de prêcher l'Évangile et d'amener la parole à tous ceux qui veulent pouvoir de leur cœur au Seigneur Jésus-Christ à sortir de ce système. Tout ce système-là qui gouverne le monde. Nous sommes tous édifiés avec les histoires des humanitifs que nous connaissons. Nous savons comment le monde est gouverné. Nous savons où il se retrouve la nuit. Nous savons tout ce qui arrive. Nous savons tous les crimes qu'on a à travers les gouvernements, etc. Moi, je voudrais dire que Jésus est hors du camp et le chrétien doit le trouver hors du camp, hors de la cité. La cité n'a pas accepté Jésus-Christ parce que la politique de Jésus-Christ n'était pas semblable à celle du monde. Alors on l'a exclu, on l'a tué et il nous appelle hors de la cité, il nous appelle hors du camp pour pouvoir attendre le nouveau gouvernement dont lui, il sera le roi et dont nous serons les ministres et autres. Dans ce gouvernement-là, laissons la politique aux politiciens et le christianisme aux chrétiens. Très bien, laissons la politique aux politiciens, le christianisme aux chrétiens, citation de l'apôtre Robert Kanté. Avant de passer la parole au président Bandakani, je rappelle que les auditeurs peuvent participer au débat par SMS 690-93-93-34 et dans une tendance qui sera exactement 13h30, vous pourrez participer en direct à condition d'être succinct et direct au 243-07-56-32. Alors, Bandakani, en écoutant cette phrase laconique, la politique aux politiciens, le christianisme aux chrétiens, la réaction, qu'est-ce que vous inspire? D'abord, il répète un politicien. Pardon? Il répète un politicien. Ah, il cite un politicien. Il le répète, non, il le répète. D'accord, il le répète. Il répète, il s'appelle le président Biya. Il a été le cité. C'est pas mauvais, hein? Pas mauvais. Deuxièmement, je veux dire, brandir la Bible et réciter les versets bibliques, c'est pour influencer les enfants. Ça ne signifie rien. Le diable fait ça mieux que tout le monde. Donc, je ne veux pas me verser dans l'obstinacisme biblique. Mais je veux simplement rappeler que la Bible, c'est un livre. Même Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Dans le Nouveau Testamentaire, souvent, on a tendance à faire comme ça. La Bible, c'était des livres. C'est un livre. Donc, si on prend pour référence la Bible, du chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse, c'est un livre qui parle beaucoup de politique. Joseph était un enfant de Dieu, du point de vue de l'Ancien Testament. Dieu l'a envoyé où? En Égypte. Chez qui? Non, parlez bien. Chez qui? Chez Pharaon. Chez Pharaon. Moïse, qui est devenu le grand monsieur que nous connaissons, il a grandi où? Il était préparé pour être successeur du Pharaon. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est le fondateur de l'État d'Israël, Moïse. C'est lui qui a construit l'État d'Israël de l'époque. C'est lui qui a construit les lois. C'est lui qui l'a fondé, Moïse. Alors, vous ne pouvez pas fonder un État, une nation, sans faire la politique. Je ne vais pas revenir sur les confusions intellectuelles, sur la théocratie et la démocratie. Dire que la démocratie n'est pas divin, c'est une formule lapidaire. Il faut qu'on soit plus profond. Et quand on dit que Dieu est théocratique, ça veut dire que c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? On dit que le gouvernement de Dieu, c'est la royauté. Qu'est-ce qu'on entend par royauté? Du point de vue systématique, du point de vue politique, ça veut dire quoi? Donc, on n'a pas le temps pour entrer dans ces concepts qui sont très profonds. Donc, Joseph était un homme politique. David, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Il était roi d'Israël, il faisait la politique. Il faisait les guerres et il tuait. David était un grand tueur. Puis il faisait les guerres, il tuait les gens. Il a tué Goliath, coupé sa tête. Et Dieu a d'ailleurs refusé qu'il lui construise le temple parce que ses mains avaient versé beaucoup de sang. Dieu a dit que c'est l'homme selon mon cœur. Il faisait la politique, David. C'était pas un enfant de Dieu du point de vue de l'Ancien Testament. Lisez le livre des rois. Tout le livre des rois. Vous allez voir Dieu faire la politique politicienne. Je vais plus loin. Quand vous prenez le passage entre quand David a affaire à Absalom, son fils, et qu'après Achitophel rejoint Absalom, qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite Hushaï pour contrer Achitophel, qui était pourtant son prophète. Quand vous lisez tout le livre des rois, vous voyez Dieu faire la politique politicienne dans les intrigues royales. Dieu. Alors, Daniel, il a cité lui. Daniel, qu'est-ce qu'il allait faire à Babylone? Il travaillait pour qui, Daniel? Il était auprès de qui? Et qu'est-ce qu'il faisait? Le conseillait-il pas le roi? Et ses conseils n'étaient pas prééminents par rapport aux autres conseils? Et le roi, à un moment donné, était obligé d'appliquer ce que Daniel disait? Il n'était pas dans une chambre en train de prier, il était là. Isaïe le prophète, ne travaillait-il pas avec le roi? Ne travaillait-il pas avec le roi? On n'a pas le temps pour citer tellement. Allez dans le Nouveau Testament. Oh, je vous ai pas interrompu. Je vous en prie. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous envoie, quel est le plus grand commandement qu'il nous dit? Matthieu 28. Allez et faites quoi? Des nations me dit, où est-ce qu'il est précisé que donc, sauf les politiciens? Il a dit des nations. Une nation, c'est aussi la politique. Quand on parle d'une nation, c'est d'abord l'organisation politique de la nation. C'est celle qui détermine tout. Donc, et ne parlons pas d'Apocalypse. Tout l'Apocalypse nous parle de Jésus, maître des nations. Et avant de devenir roi, on dit qu'il va les perdre avec une main de fer. Donc, il va chercher les nations, il va les travailler, il va les saisir. Ça veut dire que pour les travailler, il faut qu'il va, il va toucher les politiques. Il va toucher toutes les nations. D'Apocalypse. Donc, de la Genèse. Dans l'Apocalypse, on nous parle de la politique. Je n'ai pas dit seulement la politique. On nous parle de la politique, de façon fondamentale. Donc, ce que j'ai entendu là est tout simplement scandalisant. Bon, maintenant, on dit, mon homme n'est pas de ce monde, vraiment. C'est-à-dire, n'ayons pas des conceptions enfantines de la parole de Dieu. Sinon, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il aurait pu rester au ciel là-bas et régler cette affaire. Pourquoi il est venu? Pourquoi Emmanuel, Dieu avec nous, parmi les hommes. Quand tu dis que mon homme n'est pas de la terre, c'est une parole parabolisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes sur cette terre, mais notre avenir, notre futur, c'est ailleurs. Quand on aura réglé tout ce que le diable est venu faire sur la terre et vivre dans le royaume divin tel qu'il avait pensé au commencement. Mais en attendant, on est sur la terre. Nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. D'accord. Et nous vivons sur la terre. Ne me coupez pas. Alors, l'apôtre tout à l'heure, il a dit que les politiciens ont crucifié Jésus. Il faut qu'on soit sérieux. Ce sont les pasteurs de l'époque qui ont crucifié Jésus. Il faut dire la vérité. C'est clair. Et ils faisaient comme eux. C'est automatique. C'était les scribes et les pharisiens. Pilate voulait libérer Jésus. Les kilos, on lui a dit, si tu tentes, on va le dire à César, que tu complètes contre lui. Et les kilos ont dit à César. Les kilos ont dit, plus grave, les juifs ont dit, que son sang retombe sur nos enfants. Et là, entre Barabbas et Jésus, vous voulez qui? Les juifs, dont les chrétiens de l'époque, ont dit, nous préférons Barabbas. Vous ne pouvez pas commenter aux gens. Les policiers n'ont pas crucifié Jésus. Ce sont les juifs et leurs maîtres qui étaient allés se compromettre qui ont crucifié Jésus. C'est eux, ce sont eux. La Bible est là. On peut la lire. Pilate a voulu libérer Jésus. Je peux donc, sur cette parenthèse. Oui, vous pouvez donc, en dire. Voilà. Donc, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ouais. Alors, le Satan ne me dirige pas. Qu'est-ce qu'on entend par monde? Moi, je ne suis pas du monde. Je suis en Christ. Satan ne me dirige pas. Partout où je suis, ne me dirige pas. Et j'ai dit, allez vous renseigner sur mes passages partout où j'ai été. On peut se renseigner, c'est public. Moi, Satan ne me dirige pas. Parce que moi, je ne lui appartiens pas. Quand on dit que Satan dirige le monde, ça veut dire que la croix a servi à quoi alors? La croix a servi à quoi? La grâce est une vérité? Elle est vraie? Si elle est vraie, on dit que Satan dirige le monde, on ne le dit que les chrétiens, certains, se sont compromis avec le diable justement pour que Satan dirige le monde. Et ce sont eux qui tiennent ce genre de discours, que la politique c'est pour le diable. À la fin, je ne vais pas faire la politique. C'est eux qui tiennent ce discours parce qu'ils se sont compromis justement avec le diable. Ceux qui tiennent de tels propos. Donc, la croix, l'œuvre de la croix, c'était pour nous, un, nous sauver, et de nous donner la capacité d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce jour, le monde est déjà transformé. Si on a la foi, on vit ça. Alors quand on me dit que Satan dirige le monde, il dirige quel monde? Moi, il ne me dirige pas. D'accord. Apôtre Capté, il rebondit, il passe la parole. Oui. Alors, je voulais dire que nous ne sommes pas ici pour tenir des propos injurieux. Nous devons nous respecter. Maintenant, si nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit, il doit pouvoir nous donner la possibilité de pouvoir intervenir calmement, mais fermement. Une chose, c'est les politiciens qui ont crucifié Jésus. Qu'on me dise que c'est les Hébreux, c'est les pharisiens, les sadducéens qui, dépassés par les événements, les miracles du Seigneur, qui l'ont accusé. Mais si Pilate, qui était le gouverneur, avait un peu plus de kilos, pourquoi n'a-t-il pas libéré? Pourquoi est-il allé se référer aux Juifs qu'il comprenait, qu'il savait déjà que ce gars n'aimait pas le Seigneur Jésus-Christ? Donc, qui c'est qui a crucifié Jésus-Christ? C'est Pilate. Il est mort sous Ponce Pilate. Très bien, la précision est faite. La prison en vaut la peine. C'est Pilate, le Romain, qui a fait crucifier Jésus par la mort la plus ignominieuse, la mort romaine, qui est la crucifixion. Donc, ce n'est pas les pharisiens, ce n'est pas les sadducéens qui l'ont crucifié, c'est bien Pilate et les Romains qui ont crucifié Jésus-Christ. Je voulais répondre là-dessus. D'accord, pasteur. Oui, Élie Bertrand Jabin. Chez mon frère de gauche, je vais toucher ce que le président Ekane a dit, le frère Ekane. Bandakani a dit, je m'excuse pour avoir écorché le nom, c'est que il y a des choses de la Bible. La Bible n'est pas faite pour que nous donnions notre interprétation. Quand Jean, l'apôtre dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde actuel est sous la puissance du malin. Et il vient nous dire que c'est nous les pasteurs qui disons aujourd'hui que tout ça, que Satan ne le gouverne pas. Que vous l'admettez ou pas, la Bible n'a pas dit que ceux qui sont dans la politique, Satan les gouverne. Il a dit le monde actuel, le système, le cosmos, maintenant, le principe de ce monde, c'est maintenant, est gouverné par Satan. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 18 que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc on n'est pas gouverné par ce principe-là. Avant que vous ne veniez à Christ, comme vous avez dit, vous étiez dans ce système-là. Et vous êtes venu à Christ, vous y êtes encore. Donc vous l'admettez ou non, que vous ayez le même sens, on n'a pas dit que c'est parce que vous avez le même sens que Satan vous gouverne. Il y a des gens, des bonnes personnes dans la Rose Croix, des bonnes personnes à la politique, comme on a cité, mais qui sont néanmoins gouvernés par Satan. Maintenant, il y a des prophètes, tels qu'il a dit tout à l'heure, là, dans l'ancienne alliance, Esaïe, Moïse, Joseph, Daniel, ainsi de suite, et David. Il y a beaucoup d'éclaircissements à amener là-dessus. Ça, c'est la première chose. La première chose à faire, c'est qu'il faut comprendre le principe du fonctionnement de Dieu, qui a choisi Israël pour montrer en lui ce quoi, sa gouvernance, son système de gouvernement. Le système du gouvernement de Dieu, c'est très important. C'est une histoire qu'il faut prendre beaucoup d'heures pour expliquer là-dedans. Maintenant, le fonctionnement de l'Église, c'est là où je vais, qu'il faut que lui et tous les autres politiciens et les autres chrétiens qui voudrait militer dans la politique puisse comprendre cela. Le gouvernement de l'Église est totalement et absolument différent du fonctionnement de l'ancienne alliance. Je ne suis pas en train de dire que Dieu de l'ancienne alliance est différent du Dieu de la nouvelle alliance. Il dit le fonctionnement est différent. Par exemple, Daniel, tous ceux qu'il a cités là, ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes qui l'ont fait. Il y a Daniel, prophète, Joseph et autres, parce que Dieu avait un but précis qu'il en a recherché là derrière. Maintenant, pour ce qui est du livre des rois tel qu'il en a dit, nous voyons effectivement comment, d'abord, dans 1 Samuel chapitre 7, lorsque les Juifs ont sorti de l'Égypte pour entrer dans le pays de Canaan, c'est eux qui ont réclamé la royauté. Ils ont dit comme le monde, comme les autres, comme nations. C'est à partir de là où ils ont dit clairement, Dieu a dit qu'ils ont rejeté Dieu parce que dans la pensée de Dieu, il devrait être le souverain qui gouvernerait sur le peuple. À l'instant où ils ont demandé un intermédiaire humain, Dieu a dit qu'ils ont cherché selon leurs désirs parce qu'ils ont voulu imiter le monde. Et dans Jérémie chapitre 10, le verset 2, la Bible nous déclare n'imitez pas les nations. Dieu nous demande clairement de ne pas imiter les nations. Donc le système chrétien tel que institué dans l'Église, c'est pour ça qu'il a cité dans l'Ancien Testament. Et chaque fois, ça sera comme ça. Comment vouloir faire n'importe quoi dans la Bible, aller dans l'Ancien Testament, ne comprenant pas le gouvernement de l'Église, on va effectivement commencer à s'embobber. Il peut citer Daniel, Joseph et autres. Il a totalement raison. C'était vrai. Maintenant, il a dit David était un tueur. Je lui pose la question. En tant que chrétien, maintenant, s'il est militant et qu'il faut aller tuer, est-ce qu'il va aller tuer? Il va dire non. Parce que le Nouveau Testament lui interdit. Donc, je laisse la question en suspens comme ça. Il puisse répondre. S'il peut tuer. Parce que s'il faut maintenant s'opposer, comme il parle du livre des rois, il y a beaucoup de coups d'État là-bas. Est-ce que s'il milite avec les idées de Salamache, est-ce qu'il peut prendre les hommes pour faire le coup d'État comme cela, faire les conspirations pour tuer des rois? Une question, est-ce que vous concevez qu'un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, puisse devenir député, président de la République? Il ne peut pas le faire, député sans être dans un parti politique de l'Assemblée nationale. Il faut qu'il appartienne à un parti politique. C'est pour ça que j'ai mis la Bible en face. Je ne parle pas selon mes idées. La Bible déclare dans Romains chapitre 13 que j'ai cité tout à l'heure. J'attends qu'il essaie d'argumenter là-dessus et le frère qui est à côté de moi. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu et rien de ce qui existe n'existe dans la volonté de Dieu. Et la Bible est claire, c'est pourquoi. toute personne qui s'élève s'oppose, le mot utilisé là-bas c'est s'oppose contre l'ordre établi par Dieu. Non, je pose la question autrement. Oui. Vous avez, par exemple, dans votre assemblée, ceux qui fréquentent votre congrégation, un enfant de Dieu qui vient vous dire, il est du RDPC, par exemple, et il a l'ambition de devenir maire ou député par voie d'élection. Voilà. Qu'est-ce que vous lui dites? Voilà, maintenant, si quelqu'un vient me voir en tant que pasteur, je lui présente le point de vue. Souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure à l'entrée de mes propos ici que les chrétiens sont en part entière des gens à double citoyenneté, céleste et terrestre. Mmh. Et maintenant, dans la citoyenneté terrestre, nous avons les devoirs et les droits de la même façon qu'on a la citoyenneté céleste. Nous avons les droits. Alors, s'il a son plein droit en tant que chrétien, la Bible déclare que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je lui présenterait le gouvernement tel que l'Église présente, quitte à lui de prendre son choix et faire ce qu'il a envie à faire. Maintenant, le frère a dit tout à l'heure par rapport au président ghanéen, je parle maintenant de mon frère de gauche, en disant qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui passent le temps à s'y voir les démons partout. En fait, s'il ne voit pas les démons partout, qu'il l'admet ou non, nous sommes dans le monde gouverné par Satan. C'est la Bible qui nous dit, il ne peut pas régner cela. Donc, si vous sortez hors du système de Dieu, vous vous trouvez automatiquement et irrémédiablement sur le territoire de Satan. Donc, s'il fait la politique, il se comprend qu'il est en train de manifester comme ça les désirs de Satan. Parce que le but de Satan, c'est changer le gouvernement qui est en place et renouveler pour inspirer ses désirs à lui. Donc, Jésus ne nous a pas envoyé. Pour que ce soit clair, et Elie Bertrand Diabda, pour que ce soit clair, parce que vous semblez faire une fixation sur les politiciens de l'opposition. Oui, en fait, voilà, tout à l'heure, j'ai dit effectivement que même si on est au pouvoir, on est en mal devant le Seigneur. D'accord. Parce que celui qui est au pouvoir, l'implication dans la politique, vous êtes en déphasage avec la pensée biblique. Absolument, c'est totalement cela. Et puis je chute vraiment ici là maintenant. Ça veut dire tout simplement ceci. Qu'on la met ou non, comme il a dit, dans notre maison, nous faisons de la politique. Mais ce n'est pas ça dont nous parlons ici. Nous parlons du militantisme dans un parti politique. Parce que la gestion de ta propre vie, c'est une politique. Donc ça veut dire que nous parlons, lorsqu'on entreprend de prendre part à un meeting politique et en s'impliquant corps et âme dans ce domaine-là. D'accord. André Christelle Fanga. Oh, Seigneur, aide-nous. Parce que c'est terrible. Je vais lire un passage biblique qui va nous réveiller un peu, qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 18. La Bible dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée parmi nous. » Verset 19. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. La terre, la création, a été soumise à la vanité, et non pas par son propre désir, mais à cause de celui qui l'a soumise. Mais Dieu nous dit encore, quand vous allez plus haut, il dit que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. On hérite de quoi? De toute la création, de tout ce que Dieu a créé. C'est ça que nous sommes héritiers. Donc nous sommes héritiers de la terre, héritiers du monde, héritiers de toute la création de Dieu. Maintenant la terre a été soumise dans le monde, n'est-ce pas? Le monde a été soumis pas son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Maintenant que nous sommes conscients que c'est notre héritage, c'est notre possession, la terre est notre héritage, la création est notre héritage, comment nous ne pouvons pas apporter de l'impact dans cette terre-là? Parce que la terre souffre, la terre soupire, les hommes sont désespérés à cause de la politique politicienne des hommes incarnés par des démons. Où on a besoin des enfants de Dieu nés de nouveau parlant là pour aller influencer. Parce que nous avons reçu le pouvoir. Parce que quand vous regardez le monde fonctionner aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de Dieu? Ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin que nous leur apportons quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon de gérer. Une nouvelle façon de gérer la commune. Une nouvelle façon de gérer les états. Une nouvelle façon de faire les choses. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un me dit carrément que être président de la République, vraiment, c'est être un démon. Donc, c'est être en alliance avec Satan. Mais c'est terrible pour un enfant de Dieu. Parce que quand vous regardez, quand vous lisez le parcours, parce qu'il a parlé, il a dit que non, l'Ancien Testament et tout, quand vous regardez le Nouveau Testament, quand l'apôtre Paul arrive devant le roi, qu'est-ce qu'il dit? Quand le roi l'interroge, qu'est-ce qu'il dit? Oh roi, vis éternellement. Il s'adresse à un roi et il lui donne des bénédictions. Il lui demande d'être élevé davantage. Ça veut dire qu'il est en accord avec le roi. Mais ça ne veut pas dire que la politique que le roi applique sur le terrain est nécessairement vraie. Mais il faut des hommes autour. Il faut que nous soyons, nous qui sommes enfants de Dieu, éclairés. Nous puissions être là, à côté de ces hommes qui sont élevés en dignité, qui sont élevés politiquement. Si nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité d'être élevés, mais moi, je sais que Dieu nous a... Ouais, parce que quand vous lisez dans le livre de 2 Pierre, il dit que nous sommes un sacerdoce royal, une race élue. Un sacerdoce royal, donc des hommes qui doivent apporter quelque chose de nouveau. Nous sommes le sel de la terre. Voilà la lumière du monde. Donc nous devons entrer en politique pour éclairer, pour montrer les gens à la face du monde que voici comment on gère les choses. Que arrêtez d'écouter le mensonge de Satan qui vous fait croire que la politique c'est une affaire du diable, que la politique politicienne est une affaire du diable. C'est faux, c'est très faux et c'est faux et archi faux. Un enfant de Dieu né de nouveau et qui est conduit par l'Esprit de Dieu doit faire de la politique, parce que la politique c'est une façon de gérer. La politique est en accord principalement parce que le plus grand politicien du monde c'est Dieu. Très bien. Avant de passer la parole à Banakali, l'apôtre, ça fait le tour de table. Oui, apôtre, non, il a juste rebondi à un propos. Je vous redonne la parole après lui. Donc je rebondirai aussi. Allez-y, apôtre. Oui, de toute façon, moi je vais dire à nos frères qui sont ici autour de la table, je suis un peu peiné que les hommes de Dieu, en plus de l'esprit, puissent dire que nous allons gouverner ce monde. Si on doit gouverner ce monde à l'état où il se trouve, alors Jésus est venu en vain sur la terre. Jésus est venu pour... Ce monde, Jésus la façon... Ne me coupez pas, je ne veux pas couper. Oui. Voilà. Soyez calme. Je suis très calme. Soyez calme. Donc, Jésus est venu sur la terre pour mettre fin au système actuel. Et il est venu, il a montré que lui, Jésus, a son peuple à lui, a ses enfants à lui. Amen. Il a apporté l'évangile. Il est monté à la croix. Il a tiré tout ça hors de camp. J'insiste. Si vous voulez gouverner ce monde, si le monde actuel, avec la politique actuelle, vous ne pourriez jamais. D'ailleurs, si on faisait des votes dans ce pays, demandant si vous, vos églises réveillées, là, on les garde, on les ferme, on va les fermer. Si on demande aux Camerounais, si on doit fermer toutes les églises réveillées, la majorité Camerounais demande qu'on ferme vos petites églises réveillées là. Je vous dis que le monde ne nous aime pas et nous aimerons jamais parce que nous disons la vérité. Et tant que nous disons la vérité, ça vous choque peut-être. Mais je dis bien que nous ne pourrions pas, avec le christianisme, gouverner le monde actuel. On attend un autre monde dont Jésus sera le roi. Nous serons des gouverneurs et tout ce qui est dans ce royaume-là. Mais celui-ci est voué à l'échec, est voué à Satan. Amen. C'est lui qui gouverne, celui qui travaille, celui qui dirige. Il a passé ses tentacules partout dans le monde entier. Et cette poignée d'hommes qui pensent pouvoir aller être président, même si le président ministre va faire quoi dans ce pays-là? On ne peut pas, mes amis. Ce sont de nous leurrer. On a un gouvernement dont on attend. Travaillons pour le gouvernement à venir. Travaillons pour le gouvernement où Jésus qui sera le roi. Travaillons pour le gouvernement où nous serons des gouverneurs. Tu as gouverné. Parlant des talents qu'il a donné à distribuer, à fructifier. Tu as eu 5, je dois gouverner 5 villes. Tu as eu 2, je dois gouverner 2 villes. Tu as eu 10, je dois gouverner 10 villes. Ce n'est pas des villes comme Douala, Bameka et Bafoussam. Non, c'est des villes qui seront dans le nouveau monde, dont on va gérer. Donc nous travaillons, si je travaillais pour gérer le Cameroun, ça me ferait à peine que j'aille à l'église. C'est bon, si le christianisme que je fais là, c'est pour qu'après je devienne gouverneur ou que je devienne ministre, etc., pour que j'aille passer bien à Yaoundé, je ne serai pas à l'église. Alors, moi je travaille pour le monde à venir. Apôtre Kamté, je pose une question, enfin des passions dans le débat, il serait plus édifiant ici. On a 180 députés à l'Assemblée nationale, si on en venait à avoir 100 députés enfants de Dieu, est-ce que les lois votées ne concourraient pas à un meilleur fonctionnement de la nation? Est-ce que, par exemple, ça ne permettrait, ce serait une marge de sécurité afin qu'on n'ait jamais une loi qui autorise l'homosexualité, tout ce que la Bible condamne? Tout à l'heure, mon frère disait tout à l'heure que le monde actuel étant gouverné par Satan, nous ne pouvons pas, je ne crois pas que nous pourrions avoir les chrétiens réveillés, que nous pourrions avoir à l'Assemblée plus de députés pour changer les choses. Si on change les choses, c'est vraiment pas biblique. Dans le monde, on doit sortir du monde. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Il faut sortir du monde afin d'appartenir à Christ. Donc, si nous voulons garder le christianisme et la politique, alors on mélange les deux. Tout à l'heure, mon frère a dit que je cite bien. Bien n'a pas le monopole de français, hein. Moi, je pense même pas à lui quand il a dit laisser la politique aux politiciens et le christianisme aux chrétiens. Je ne cite pas Bia. Si cela dit Vous l'avez dit, ça va qu'il a dit, mais c'est pas que je le cite, il n'est pas mon pasteur à moi. Alors peut-être pour vous, avant de vous de repasser la parole à Mandakani, quand on a une assemblée, si on, dans un pays, tous les maires sont francs-maçons ou écrétiens ou impliqués dans des ordres occultes, les gouverneurs, les députés, les ministres, ça ne vous pose pas de problème? L'Église, la réponse de l'Église, c'est de se tenir en dehors de cela. Je vous rappelle que depuis que le monde existe, le monde va de corruption en corruption. Amen. On ne peut pas changer ces choses-là. C'est-à-dire que vous, on ne peut pas. C'est-à-dire que Satan, ça s'arrange parce que même le bon socialiste dont on combat aujourd'hui. Mais ça, c'est le fatalisme. Si on ne va pas. C'est-à-dire que dans un proche avenir, je ne sais pas quand, mais les pouvoirs extérieurs vont arriver à imposer cette loi ici, en d'accord. Afrique. D'accord. Donc on ne peut pas, nous ne pouvons pas changer le monde. Regardez nous là, avec le parlant en langue, on ne peut pas changer le monde. Le monde dont on va, la justice régnera. Mais vous prêchez alors pourquoi dans vos églises? D'accord. Je ne peux pas gouverner le monde. Que le débat soit organisé. Voilà, donc c'est Mandakani qui a la parole. Je ne prêche pas pour que le gouvernement devienne des ministres. Tout d'abord, je voudrais faire une précision à l'apôtre. Il a dit que je l'ai insulté, il n'était pas calme. Donc, il ne faut pas qu'il verse dans la victimisation inutile. Je ne vous ai pas insulté. Si je vous ai insulté, ça veut dire que Jésus lui-même insultait les pharisiens. Quand je les appelais, c'est plus que banshee. Et Jésus, c'est le Saint-Esprit. Non, pas plus le Saint-Esprit que Jésus. Il disait la vérité. Donc je ne vous ai pas insulté. Je décris vos propos. Sans vous insulter. Parce que moi, je vous connais pas, c'est comme pour la première fois, et c'est un plaisir de vous rencontrer. Deuxième chose que je voulais ajouter, le complexe de persécuter, ce n'est pas la persécution. Il y a des gens qui ont le complexe du persécuté. Ils peuvent même se persécuter eux-mêmes parce qu'ils veulent ressembler, c'est comme certains chrétiens qui se flagellent tous les... Chaque année, ils se flagellent, ils imitent les stations du Christ. Hein? En Europe, il y a des gens qui se flagellent sérieusement, avec le sang sur eux, parce qu'ils veulent répéter les souffrances du Christ. Donc, le complexe du persécuté, ce n'est pas la persécution. Si les gens organisent leur propre persécution, il ne faut pas qu'ils pensent que le monde les persécute. L'apôtre Fanga, tout à l'heure, a interpellé, dit que mais, on ne peut rien changer. Pourquoi prêche-t-on? Alors, il dit qu'il prêche pour l'espérance, pour l'avenir. Mais pour la changer de ville, à Éphèse, qu'est-ce qui s'est passé à Éphèse? La prédication de l'évangile a bouleversé les villes. Au point où il a dit, on les a appelés des dieux sont venus ici. L'évangile, c'est un pouvoir de transformation immédiat. Amen. Si vous dites que... Ne m'aidez pas. Si vous dites que... C'est l'ordre du Saint-Esprit. On ponctue chaque parole de Dieu. Ce qui est biblique, pas Amen, Président. Bon, tant mieux pour vous. Ouais. Parce que nous ne sommes pas d'accord. Allez-y, votre pensée. Donc, je suis en train de dire que... Les pôles ont transformé les villes. Oui. J'ai pris le cas d'effet médian. Mais sans faire la politique, mon cher. Sans faire la politique. Là, vous en avez sorti du débat. Vous aurez la parole après lui. Non, c'est le débat. On ne peut pas rester comme les statuettes ici. Il dit... Vous m'interrompez. Non, mais je vous passe la parole. Mais je vais seulement vous corriger en disant que l'apôtre pour prêcher Jésus-Christ, la ville a été transformée et n'est pas entré à Éphèse pour aller militer dans le parti politique. Vous changez la ville. Et en plus, vous êtes prétentieux. Vous corrigez les gens. Nous aussi, on peut vous corriger. Oui, mais vous corrigez. C'est ce que vous le faites. Soyez un peu humble. L'évangile corrige, mon cher. Soyez un peu humble. Vous n'êtes pas l'évangile. Non, je ne suis pas l'évangile. Je prêche l'évangile. Soyez donc humble. Ne me corrigez pas. Vous voyez pourquoi vous ne m'aidez pas m'aider. J'ai pas envie qu'on m'aide. Non, je vous corrige. Ils ne sont pas d'accord. On n'a rien de commun, donc ne m'aidez pas. Absolument. Voilà. Donc il faut que ce soit clair. Oui. Donc on dit que bon, je ne parle pas d'imitation. Depuis là, c'est vous qui parlez de parti politique. Moi, je n'en parle pas. Je vous laisse ce débat. Donc, il paraît que c'est votre profession. Je vous laisse ce débat. Non, vous avez dit que vous êtes dans un parti. On ne peut rien. Mais je ne parle pas de ça depuis que ceci. Nous parlons du thème de est-ce que le chrétien appartient à une partie politique. On ne peut pas parler sans parler de cela. Je te dis donc, on ne peut rien. Alors, si on prêche. Quand on prêche, si on dit que Satan gouverne les gens, mais il ne faut même pas prêcher aux gens, puis Satan les gouverne. Je dis même l'individu, Satan les gouverne. Vous allez prêcher, vous dites que Satan gouverne ce monde. Les gens sont dans le monde. Vous allez prêcher pourquoi? Parce qu'ils sont sur le jour de Satan. Il est sorti de là. Il ne fallait pas donc que les gens écrivent. Je ne m'interromps pas. Je relève seulement vos contradictions, c'est tout. C'est tout. Donc, si on croit que l'évangile change les gens, ça change les gens, et les gens changent leur. Quand ils sont transformés, ils transforment leur environnement. Moi, quand j'ai cru, ça transforme mon environnement immédiat, ma famille. C'est entraîné, c'est de transformer parce qu'il y a la puissance de transformation dans l'évangile. Et c'est une puissance de transformation qui impacte tout le monde, y compris les hommes politiques. Ok. Bon. Alors là, je reviens sur le. Quand j'ai dit ça, je reviens sur un problème qu'il a soulevé tout à l'heure. Alors, il a pris le cas de David, le peuple d'Israël qui a réclamé un roi, c'est vrai, et il a parlé que Dieu a dit ok, ils m'ont rejeté. Mais non seulement ce qu'il dit est vrai, mais il n'ajoute pas. Mais je vous encourage déjà. Je réponds à ce qu'il a dit. Appuyez ce qu'il a dit. Je réponds à ce qu'il a dit. Je ne suis pas malin. Donc, ils ont rejeté Dieu, oui, mais Dieu leur a donné une loi, qui était envoyée par un prophète Samuel, mais en plus, Dieu leur a donné David. Amen. Dieu leur a donné David. Amen. L'homme selon son cœur. Donc, il ne faut pas s'arrêter à un niveau de processus. Qui n'était pas le choix du peuple. Il ne faut pas s'arrêter au niveau du processus. C'est pas ce que vous appelez peuple. Si vous voulez qu'on discute du peuple, on peut faire 3 jours ici. Mais moi, je ne suis pas là pour vous enseigner ces choses. Il m'a demandé si et si roi je vais tuer. Alors, moi, je prends un exemple simple. Dans le Nouveau Testament, puisqu'il veut faire comme si l'Ancien Testament n'a aucun lien avec le Nouveau. J'ai d'abord parlé ça tout à l'heure. Vous voulez faire comme si l'Ancien Testament n'a aucun lien avec le Nouveau. Si c'est un lien, tirons les conséquences. C'est tout, on tire les conséquences et on avance. Il y a un peu de méthodologie de quand on parle de Dieu. C'est parce qu'on parle de Dieu qui appelle la méthodologie et de la cohérence et de la logique. Si ça a des liens, on tire les conséquences. Alors, moi, je viens dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué Ananias et Saphira? Le Saint-Esprit. Ah, donc le Saint-Esprit tue? Oui. Ah, on doit savoir, on avance. Il n'a pas politisé. Non, j'étais seulement dit, vous êtes en train de dire que voilà l'exemple dans le Nouveau Testament oui. Où quelqu'un est mort. Non, on n'a pas dit, j'ai pas demandé. Quelqu'un est mort, j'ai parlé de vous. Est-ce que vous pouvez tuer? Je vous dis que. C'est le Saint-Esprit. Pierre n'a pas tué, le Saint-Esprit a tué. Qu'est-ce que vous appelez tuer? Non, non, c'est parce que qu'est-ce que vous appelez tuer? On n'a pas allé sur la lexicologie et la définition chaque fois des mots. Vous avez dit que vous êtes dans le parti politique pour être président, pour changer ce pays. Je ne vous interromps pas. Allez-y. Quand vous parlez. Allez-y. Qui peut le faire mieux que vous? Je sais, vous le faites à la télévision. Bon, allez, non, je ne vous interromps pas depuis. Allez-y, parce que vous ne m'impressionnez pas. Non, parce que loin de là. Ne m'interrompez pas. Nous ne sommes pas impressionnés. Non, calmez-vous. Ça continue comme ça. Non, du tout. Permettez. Quand il parle, personne n'est allez jusqu'au bout de votre pensée. Mais vous connaissez ces tactiques, Mandakani, mieux que quiconque. Non, mais si le font. Non, enfin, ne vous laissez pas perturber. Ils convoquent le Saint-Esprit et ils font le contraire. Depuis qu'on ne parle pas, moi, je les interromps. On n'a pas convoqué le Saint-Esprit. Laissez-moi l'en parler, je vous en prie. Si vous continuez comme ça, je vous laisse de place. Allez-y. Mandakani, exprimez-vous. Voilà. Donc, je suis en train de dire que. Donc, j'ai soutenu le cas de Nara Saphira. Il a dit que c'est le Saint-Esprit qui a tué. Ok. Je ne continue plus le débat. Il dit que est-ce que je peux tuer par de moi? Il pense que c'est une question très compliquée. Qu'est-ce qu'on appelle tuer? Définissez et puis dites. Qu'est-ce qu'on appelle tuer? Un roi ne tue pas. C'est le principe. Si les lois sont établies dans un pays, vous les violez. La mort vous frappe. C'est la loi. Maintenant, si j'utilise mon pouvoir, comme David a fait avec Uri, j'ai tué. Et Dieu l'a puni pour ça, pour ce cas précis. Dieu l'a puni. Parce qu'il est là, il a abusé de son pouvoir. Il a pris la femme de quelqu'un et après, il a fait tuer. Dieu l'a puni. Dieu lui a dit la violence va entrer dans ta maison et la violence y est entrée. Mais de tout ce que David a tué, Goliath et consort, est-ce que Dieu le lui a imputé? Moïse a tué sans qu'elle se lui a imputé. Maintenant, il parle de Moïse. Je prends les temps. Vous achevez. Et il continue à m'interrompre quand je parle. Vous achevez, oui. Tout à l'heure, vous allez voir. Allez jusqu'au bout de votre pensée. Je prends les gens à témoin. Ils vont parler, je ne vais pas les interrompre. Voilà. Donc, maintenant je reviens, on dit que bon, on veut impressionner les naïfs, on dit, on interprète par la parole, on est trop fidèle à la parole, ça me fait sourire. Les premiers chrétiens, je paraphrase comme ça, puisque les juifs, si on reste sur la loi, on peut les considérer comme les chrétiens de l'époque, puisqu'ils étaient, entre guillemets, le peuple de Dieu de l'époque. Ils avaient la loi. Quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis tout ça en cause. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Alors, on vous a dit, moi je vous dis. On vous a dit, moi je vous dis. Moi, vous dites ça parce que vous aviez le cœur dur. Allez, vous a parlé comme ça. Mais moi, je vous dis, le sabbat n'est pas fait. L'homme n'est pas fait pour le sabbat. Mais le sabbat pour l'homme. Il a tout renversé ces choses. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. De quoi est-ce qu'on parle? Dieu est dynamique. Dieu est dynamique. Et dans sa dynamique, il ne change pas, mais il est dynamique. Les époques changent. On évolue. Donc si nous sommes imitateurs du Christ, ça veut dire que, monsieur, il y a un rapport spirituel à avoir avec la parole de Dieu. D'ailleurs, je précise que le diable étudie cette parole plus que nous. Il y a des anthropologues, des agrégés qui étudient ça. Pour étudier ça à sa guise, comme il fait. Pour créer des pasteurs et leur confier les églises, pour qu'ils égarent le peuple de Dieu. Il le fait très bien. Et ils sont très nombreux qui convoient la parole de Dieu, qui font le citatisme biblique, alors qu'ils ne viennent pas de Dieu. Et la Bible nous prévient de ça. Pour revenir au sujet. Donc, je suis sur le sujet. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que je reviens là-dessus pour revenir sur le sujet. Alors, on parle du gouvernement de l'Église. C'est quoi l'Église? Il parle de quoi? De quelle Église? Les gens savent de quoi il parle. Il faut que les gens soient un peu humbles. Il veut qu'on parle de l'Église. Au Cameroun, là, il y a une Église, là. Tel que ce qu'on voit là, c'est cela l'Église? L'Église de Jésus qui se trouve au Cameroun. Alors, laissez donc Dieu vous révéler qui est l'Église. qui est vraiment dans l'église et qui fait son travail. Si vous me posez la question, je vous répondrai. Non, je vous la pose, parce qu'on n'a rien de commun. Voilà, je ne vais pas vous la poser. Maintenant, je reviens. On a moins les intérêts de Christ en commun. On n'a pas. Écoutez, moi, je ne suis pas hypocrite. Ça, au moins, je ne suis pas hypocrite. Je dis que je n'ai rien de commun avec eux. Puisque, selon eux. Sur le sujet. Tout à l'heure, il a dit que je l'ai insulté. Mais lui m'insulte depuis de façon hypocrite. Qu'est-ce qu'il fait? Quand on dit qu'un enfant, non, Dieu peut faire la... Non, laissez-moi, je vous démontrer. Aux récriminations. Je ne réponds pas. Ça nous permet je suis en train d'édifier les gens. Je ne réponds pas. Laissez-moi parler. Je suis en train d'édifier. Quand on dit... Celui qui a dit que je l'ai insulté, j'ai expliqué tout à l'heure que je ne l'ai pas insulté. Je brûle. Maintenant, je brûle. Je brûle. Maintenant, quand on dit qu'un enfant de Dieu... Quand on dit qu'un enfant de Dieu peut faire la politique, on remet en cause ma foi. C'est violent. La violence n'est pas seulement verbale. Et on est rusé dans la violence. Quand on dit qu'ils ne savent pas quelle relation moi j'avais Dieu, ils savent pas, mais ils mettent en cause ma foi. Mais je ne m'en plains pas. La Bible dit ceci, quand on dit que ce monde est gouverné par le Satan, s'il faut faire verset contre verset, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. C'est pas écrit dans la Bible. S'il faut jouer ce jeu de citer les versets pour impressionner les gens, comme des perroquets, tout est possible à celui qui croit. C'est écrit dans la Bible. Donc si vous croyez au Seigneur, vous changez le monde. Mais vous avez changé donc alors. Pourquoi vous dites, ça fait 30 ans, pourquoi on n'a pas changé ce mandat là? Si ça continue, je me retire. Comprenez-moi bien. Oui. Comprenez-moi très bien. Quand tu parles, je ne t'interromps pas. J'insiste là-dessus. D'accord, on va venir sur cette discipline. Je sais le faire. C'est ma responsabilité. Voilà, je le fais très bien. Discipline, ce que je demande, c'est que quand je parle, qu'ils me laissent parler. Parce que quand ils vont parler, je ne parle, je ne dirai rien. Oh, j'ai beaucoup à dire. Si on le fait, on n'a pas le temps pour venir ici. D'accord. Donc, disons que la parole de Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Cette parole est vraie. Et elle est vraie parce que c'est Dieu qui a dit. Ça veut dire que si vous croyez, vous réussissez. Alors, on peut me poser la question, qu'est-ce qui a changé? Je ne réponds pas à ce genre de questions parce que le changement est relatif. Si quelqu'un, tu peux voir, sans voir, tu peux avoir les oreilles, tu n'entends pas, Jésus l'a dit. Donc, quand on me demande ce qui a changé, alors, je peux aussi lui demander si c'est une mauvaise foi, qu'est-ce qui a changé depuis qu'eux ils prêchent? Qu'est-ce qui a changé? Mais je ne le ferai pas parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Donc, quand on me demande que, bon, depuis que tu es en politique, qu'est-ce qui a changé? C'est lamentable. Oui, c'est moi qui ai le floor maintenant. Je vais commencer par l'apôtre en face, à côté de moi. André, oui, j'espère que vous avez dit tout à l'heure que vous brûlez. J'espère que vous n'allez pas me brûler maintenant. Parce que... non, il brûle de oui. Il a commencé tout à l'heure parce qu'il a dit clairement qu'il était surpris de quel style d'évangile nous prêchons dans nos églises. Et ainsi, il a cité Romain au chapitre. On peut s'épargner les jeux de ping-pong, de répondre aux récriminations. En répondant à ceci, parce qu'en réalité, il a injecté quelque chose pour démontrer. Chaque fois, il m'a dit ceci et je dois répondre à ça. Il a cité, c'est pas à moi qu'il l'a dit cela. Il a parlé sur le plateau en disant qu'il est surpris de ce qu'on prêche dans nos églises. Enfin, quand il dit, c'est pas moi seul qui a cette position, c'est pas lui seul qui a cette position. Donc, il y a deux groupes, les pasteurs qui pensent qu'on peut être dans la politique. Lui, il est seulement victime de la doctrine qui est venue des États-Unis, appelée Kingdom Now. Ceux qui les révèlent maintenant. Il a cité Romains chapitre 8 verset 18. Je m'attendais à ce qu'il donne l'interprétation scripturaire de cela. Il a tout dit exactement comme les Américains. Après, il a cité vous êtes un sacerdoce royal, un peuple saint et un peuple élu. Il sait effectivement qu'on a de parler pour le sacerdoce royal et par rapport à Dieu, pas ce monde aussi. Mais il a tout dit, donc c'est le victime de Kingdom Now. Hébreux chapitre 2 le verset 5 dit en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Le monde à venir dont nous parlons. Donc la Bible parle du monde à venir, pas ce monde aussi. Il a parlé, il dit nous sommes héritiers avec Christ et nous sommes de quoi? Après, il répond de toutes choses, y compris ce monde-ci. La Bible déclare que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et là, il dit que nous sommes co-héritiers. Le monde dont nous parlons, c'est le monde à venir où les chrétiens doivent y entrer. Maintenant, quant à ce que nous sommes dans la cité, nous ne sommes pas là. Dieu n'a jamais donné aucun mandat dans l'église. J'aurais souhaité définir vraiment l'église et entrer là dans le gouvernement. Dieu n'a jamais donné mandat. Si c'était le cas, alors les premiers apôtres étaient les plus échoués. Ils ont échoué sur tous les angles. Parce que les apôtres, nous savons et nous croyons que c'est par le Saint-Esprit qui les conduisait. Il est apôtre. Aujourd'hui, il dit qu'on prend de la politique. Dieu n'a jamais donné mandat à l'Église de s'initier dans la politique. Mmh. Pourtant, ces apôtres écrivent que tout homme, il presque à titre, par exemple, au titre chapitre 3, verset 1, dit que les gens soient soumis à l'autorité de l'État. Il a il y a plusieurs endroits où on parle clairement d'être sous l'autorité de l'État. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4, il dit qu'il faut qu'on élève la prière à tous les hommes, au roi, à ceci, et afin que nous menions une vie paisible. L'apôtre Paul avait le Saint-Esprit, il a témoigné devant Agrippa, devant Félix, il n'a jamais. Tout à l'heure, il a dit que vie éternellement, ça c'est de l'expression de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul n'a jamais dit cela. C'est Daniel qui le dit à Nabucodonosor. Donc, il faut qu'on dissocie le Kingdom Now, l'esprit du Kingdom Now, avec l'évangile. Ça c'est un. De deux, depuis le Concile de Vatican II en 66, c'est là où cette idée a commencé à sortir. Donc ils sont victimes également, une fois de plus, des idées catholiques. Le pape Pie XI va donner clairement qu'il est temps que l'Église se lève et s'ingère dans les affaires politiques. Le 30 avril dernier, c'est le cas du chef de l'Église catholique, François Ier, qui a dit aussi que l'Église doit, en Italie, il a dit que les gens de l'Église doivent se lever pour changer ce système-ci. Donc vous voyez, effectivement, c'est la pensée catholique babylonienne qui en est de les infester comme ça. Il dit qu'il est surpris du fait qu'on prêche, ce qu'on prêche dans l'Église. On prêche Christ crucifié. Scandale pour les gens, mais puissant de Dieu pour sauver. Très bien. Magnifique démonstration de la lettre qui tue. Amen. Parce que c'est la lettre qui tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et ceux qui ont l'esprit de Dieu pourront mieux comprendre ce que nous démontrons aujourd'hui. Parce que quand nous disons que le chrétien doit faire la politique c'est une façon de gérer, je le répète encore. Et quand Jésus, je répète encore le passage que Banda Kani a cité dans Matthieu 28, le verset 20, je commence même au verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations !» Allez, faites de toutes les nations. Il ne demandait pas que aller de, je ne sais pas où ils prêchent leur part de parole. Si c'est seulement à leur, dans leur chambre, ou bien dans leur cuisine, ou bien juste dans leur. Mais Jésus dit, allez, faites de toutes les nations. Les nations, c'est l'équipe. Définition nation, mon frère. Hein? Président Banda Kani, nation veut dire quoi? C'est ethnos, ethnie. Ce n'est pas le pays. Continue. Vraiment. Non, soyons sérieux. Quand nous venons démontrer des choses qui n'ont rien à voir avec la parole, c'est bien la lecture de la parole de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous guider en toutes choses. Et quand l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, qui nous dit, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant-leur à observer tout ce qui vous est prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu met bien à la fin du monde. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Il ne parle pas dans un monde à venir, il parle du monde présent. Qu'on doit faire de toutes les nations de ce monde présent des disciples de Jésus. Les présidents doivent être disciples de Jésus. Les ministres doivent être disciples de Jésus. Les gouverneurs doivent être disciples de Jésus. Les maires, tout le monde doit être disciple de Jésus. Et je vous prends l'exemple de Jésus lui-même. Parce que quand vous regardez, vous racontez seulement les choses de la Bible, vous ne prenez même pas les exemples sur Jésus lui-même. La Bible dit toujours dans au verset 27 de Matthieu, à partir du verset 57, il dit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était disciple de Jésus. Parce que les mêmes gens qui disent que la politique n'est pas bien vont te dire que l'argent n'est pas bien, l'argent c'est le diable. Mais voici quelqu'un qui était avec Jésus, qui était disciple de Jésus, un homme riche, un homme d'État. Mais... Et c'est là où c'est vous qui ajoutez, on n'a jamais dit un homme riche. On prend, j'oublie seulement le verset, il y a la dame qui était proconsul, la dame du proconsul qui marchait avec Jésus, qui était un ambassadeur. Qui ça? Proconsul. Dans quel livre vous dites? Mais dans la parole de Dieu. Écoutez, je ne retiens pas bien, mais allez-y. Il y avait une dame qui suivait Jésus, qui était parmi les disciples de Jésus, qui était femme d'autorité. Et pas de l'histoire. Voilà, vous êtes les lecteurs de la Bible et vous savez lire la lettre. Mais je vous dis ce que l'Esprit dit. Vous comprenez un peu? Donc s'il y a les autorités, la preuve en est. Prenons même Jésus lui-même. Quand Nicodème vient voir Jésus de nuit. Nicodème est une autorité. Il faut le temps d'antenne. Hein. Écoutez, oui, Nicodème était une autorité de la ville à cette époque. Un pharisien, un homme respecté. Mais il est venu voir Jésus. Jésus lui a dit, il lui a donné les conditions pour marcher avec lui. Et c'est ce que nous faisons même à ces hommes à élever en dignité, en autorité dans notre pays et dans les nations. Pour leur prêcher l'amour de Dieu, pour leur prêcher la vie de Dieu. Donc, quand Jésus parle que nous devons faire des disciples, les nations des disciples, la nation de qui? Des hommes d'affaires, la nation des politiciens, la nation des footballeurs, si on arrive même avec les artistes et tout. Tout le monde doit être disciple de Jésus. Donc, ce n'est pas seulement, je ne sais pas pour vous, Est-ce que pour parvenir en s'impliquant dans la politique? Écoutez, s'impliquer dans la politique, ça dépend du mandat du Seigneur. C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut pas confondre les choses. Il y a des hommes qui sont appelés par Dieu pour être des rois, qui sont appelés à faire de la politique. Et être dans l'opposition ne veut pas dire être opposé à Dieu. Parce que être dans l'opposition, tu peux apporter quelque chose qui aide le gouvernement à avancer. Parce que l'opposition ne veut pas dire l'affrontement. L'opposition ne veut pas dire détruire l'ordre établi. L'opposition veut dire apporter des idées contraires à ce que l'autre pense. Et que celui qui est en face peut adopter pour que le système des choses marche. Parce que aujourd'hui, nous considérons que l'opposition seulement, c'est les gens qui sont là pour la conquête du pouvoir ou bien pour rien. Non, il y a des partis politiques qui sont faits pour proposer, pour apporter de la contradiction au gouvernement et que le gouvernement puisse se réajuster. Qui n'arrivent pas forcément au pouvoir. Donc, il y a des partis comme ça. Et je vous dis, actuellement, Angela Merkel est membre du Parti chrétien d'Allemagne. Elle est présidente, elle est chancelière, grande chancelière. Vous allez dire, mais, donc, écoutez donc la politique, il y a des partis chrétiens. Il y a des gens qui font de la politique dans la chrétienté. Mais comme vous êtes inobulé par la pensée que c'est Satan qui domine le monde, ça veut dire que toi tu es un apôtre du Seigneur et dominé par Satan parce que tu es dans le monde. Ils sont nombreux qui disent qu'ils sont des chrétiens. Ils sont nombreux qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais il faut faire la différence, comme le président Banda Kane l'a dit tout à l'heure, il faut faire la différence entre celui qui est né de nouveau, vivant pour Christ, et celui qui s'appelle chrétien, parce que tout le monde dit qu'il est chrétien. Et pour vous, celui qui est né de nouveau... J'ai pris un exemple. J'ai dit, Angela Merkel fait partie du parti chrétien d'Allemagne. C'est un chrétien, un parti politique fondé par les chrétiens. Je vous prends encore un autre exemple. Vous connaissez le club qu'on appelle Newcastle. Newcastle a été formé par des enfants de Dieu. Une équipe de football. Donc, il y a plein de choses que si nous entrons dedans, vous allez retrouver que les enfants de Dieu ont droit de citer, de s'imposer. Parce qu'il y a les 7 sommets d'influence pour ceux qui ont fait l'école publique. Et il y a les 7 sommets d'influence. Et la politique fait partie des 7 sommets d'influence. Si vous n'influencez pas dans la politique, vous ne pouvez pas gouverner le monde. La preuve en est, monsieur l'apôtre, quand vous voulez ouvrir votre église, vous partez demander l'autorisation. Vous demandez l'autorisation. Quand vous voulez signer un document officiel, vous demandez l'autorisation. C'est toujours dans la politique, dans la gestion de la cité. Mais si vous étiez là, s'il y avait un enfant de Dieu, peut-être ça serait plus facile. C'est ce que nous allons faire. Alors, apôtre Kanté, je vais intervenir dans côté. Je voudrais que vous réagissiez sur une déclaration, parce que ça, j'ai vu, ça vous a fait sourire quand il a dit il y a des gens qui ont été mandatés par Dieu pour être maire, pour être député, pour être président. Oui. Vous croyez à cela? Non. Vous n'y croyez pas? Je ne crois pas. Je crois que les enfants de Dieu, comme le disait le Seigneur Jésus, après avoir travaillé pendant 3 ans et 6 mois et qu'il devait rentrer, il a fait une prière que nous ne pouvons pas ignorer. Il dit, Père, je te prie de préserver ce que tu m'as donné. Comme je ne suis pas du monde, le monde m'a rejeté. Ils ont rejeté ce que tu m'as donné. Les disciples n'étaient pas du monde. Ils étaient dans le monde, ça a été du monde. Je lui ai dit, comme ils m'ont rejeté, ils les ont aussi rejetés. Je te prie le préserver du monde. J'insiste pour dire à l'apôtre, j'insiste pour dire, si vous voulez m'interrompre, je vais crier. J'insiste donc pour dire qu'il y a un monde à part, celle qui est le monde christianisme, et il y a le monde païen. Lorsque, en 1905, le 9 décembre 1905, les Français ont voté la loi qui séparait le christianisme de l'État. Parce qu'en 325 notre ère, quand Constantin va croire et qu'on va le baptiser, d'ailleurs il va ainsi qu'on le baptise par aspersion, il va devenir membre de l'Église, et c'est lui qui va ordonner, n'est-ce pas, qu'on puisse unir l'État et le monde. C'est-à-dire qu'on puisse unir les chrétiens avec les païens. Voilà. Alors, du coup, il est celui qui a institué le baptême par aspersion à partir de Constantin le Grand. Donc, on a placé l'Église et l'État comme dans une même entité, en 325. Donc, en 1905, les Français ont compris qu'il fallait séparer l'État d'avec les chrétiens. Et à partir de ce moment-là, et l'État devient simplement laïque et pouvait protéger ou permettre aux gens de travailler. Donc quand le frère me pose la question si on doit demander l'autorisation, moi je fais un non à la loi. Je suis pas dans la loi, je suis pas dit, parce que je suis pas dans la politique, je suis pas dans la loi. Donc, c'est pour dire que il y a un monde que Dieu prépare pour les croyants et un monde dans lequel Satan dirige et on ne peut pas changer le système actuel. Vous ne pouvez pas changer les hommes, vous et moi, on pourrait changer l'état actuel de choix. On ne peut pas changer. On attend le monde dont Christ sera le roi. Bonne nouvelle, on n'a plus besoin d'annoncer la parole. André, on l'attend. Seulement on va dormir. S'il vous plaît, bonne nouvelle, on ne doit plus prêcher. Je pose une question avant de passer la parole à Bandakani. Je fais un peu de politique fiction. Si le Seigneur, par votre entremise, convertit quelqu'un comme John Frundy, citons-le, il devient un nouveau converti. Qu'est-ce que vous lui dites d'abandonner le combat politique? Il doit choisir entre Jésus et la politique. Ça va de soi, c'est clair. Il doit choisir. C'est la Bible, ça. D'accord. Il doit choisir. Bandakani, vous avez la parole. C'est pour ça que je suis très serein. Dieu reconnaîtra le sien. Amen. Je suis très tranquille par ce genre de choses. Ce n'est pas. Vous savez, j'ai toujours, partout, toute ma vie, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris la différence qu'il y a entre Jésus-Christ et le christianisme. C'est pour ça que je suis tranquille. C'est pas stupide que les chrétiens parlent comme ça. Je ne me surprends pas. C'est pas stupide que les chrétiens parlent comme ça. Alors. J'ai dit tout à l'heure que le récitacisme biblique est un truc terrible. La Bible ne se contredit pas. Ceux qui opposent des paroles bibliques contre une autre, c'est leur responsabilité. Et ils ont le Saint-Esprit. Hein. La Bible ne se contredit pas. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de la différence entre la lettre et l'esprit. C'est l'esprit qui démontre qu'il n'y a pas de contradiction. Sinon, les ennemis de Dieu passent le temps à utiliser des versets pour vouloir discréditer la parole de Dieu. C'est ce qu'ils font toujours dans les médias. Mais est-ce que les enfants de Dieu entrent dans ce genre de piège, opposer une parole à une autre? Donc je laisse à leur responsabilité. Un, quand on me convoque, on récite que Dieu a dit de se mettre aux autorités supérieures. On récite ça comme comme les perroquets font. Alors moi, je prends un exemple. Je prends deux exemples. Je commence dans l'Ancien Testament. David avait été établi par qui? Par Dieu. Non, par le diable. Alors, quand il a péché contre lui, qu'est-ce que Dieu lui a dit? La violence entrera dans ta maison. Et cette parole s'est accomplie. Il y a eu la rébellion d'Absalom. Il y a la rébellion d'Absalom, même son fils. Alors, Absalom s'opposait à l'autorité établie par qui? Et dans ce cas, Absalom faisait quoi? Une parole était sortie, elle devait s'accomplir. Et voilà une position qui arrive à David. Pourquoi il a désobéi à Dieu? Donc, on peut s'opposer à des autorités qui désobéissent à Dieu. Deuxième exemple, l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Qu'est-ce que Pierre dit, je crois, acte 3, je ne sais pas très, acte 3, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un passage où il dit, dois-je préférer obéir aux hommes que d'obéir à Dieu? Pierre le dit. Et il parle à des gens. Il dit, dois-je préférer obéir aux hommes que d'obéir à Dieu? Oh, les rois sont des hommes. On peut les désobéir quand ils font ce qui est contre la volonté divine. Et maintenant, sur le plan logique, j'ai fini avec le biblisme, sur le plan logique, simple. Quand on parle de démocratie, encore que j'espère que les gens qui en parlent ont peu le temps de l'étudier. Moi, j'ai peu le temps de l'étudier. J'ai acheté des livres pour apprendre ce que c'est. Je ne me suis pas contenté de la Bible à la lettre. Lorsqu'un président d'un pays autorise la démocratie, autorise le multipartisme et qu'on crée des partis d'opposition, on est dans quelle désobéissance? C'est sur le plan logique, hein? Je laisse de côté. On est sur le plan logique. Parce qu'il y a quand même un problème avec les chrétiens. Il y a un problème. Et sur le plan logique, simplement. Quand c'est le plan logique dit que, bon, j'autorise le multipartisme, je ne vais pas savoir si les gens ont lutté avant, ils sont morts pour ça. Peu importe. Ça ne doit pas les intéresser. Ce sont les démons. Ils doivent aller en enfer. Ils se sont opposés aux autorités. Mais quand les gens profitent, je voulais le rappeler. Donc, c'est sur le plan logique. Pour dire que, ok, lorsque c'est le président Biya, c'est le cas du Cameroun, qui a dit que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je crée une loi. Décembre 90, qui autorise le multipartisme. Si moi je crée un parti, en quoi je désobéis à l'autorité? Je suis en harmonie avec cette autorité. Je dis sur le plan logique. Maintenant je vais plus loin. Est-ce que ces gens savent qu'ici avant il n'y avait pas les églises réveillées? C'est le vent démocratique qui a amené les églises réveillées. Non, dérompez-vous. Hein. L'Assemblée chrétienne a été créée en 1960. Hein. L'Assemblée chrétienne, témoin de Christ. La première église pentecôtiste du Cameroun, c'est l'Assemblée chrétienne, témoin de Christ. Hein. Je fais partie de cette église-là. Comment vous dites que... Et c'est... vous refusez, vous êtes de l'Assemblée chrétienne de Christ, vous refusez que le président de la République de Ghana n'est pas né de nouveau, il n'est pas chrétien. C'est votre sataniste. Problème, je ne le connais pas. Ah, voilà. D'accord, je ne le connais pas. Et, okay. Je vous dis qu'il a, il a pris part au discours, je ne il connais a fait pas. Un discours à l'Assemblée générale des Assemblées de Dieu. En 1964, on a créé l'Assemblée chrétienne. Écoutez, monsieur, vous êtes de l'Assemblée chrétienne. Le Saint-Esprit, le président du Ghana a fait un discours à l'Assemblée générale mondiale. Mondial des assemblées de Dieu en 2014, il a fait un discours je le connais en direct pas. De tous les grands hommes de votre assemblée. D'accord, je ne le connais pas. La pression a été faite. Voilà. Quand il avait la parole. Voilà. Donc, il ne dit pas que c'est la première église. Non, non, quand il dit que c'est Biya qui a amené les. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Alors, peut-être un auditeur va. Il faut qu'il situe. On reçoit l'auditeur. Je suis sûr que c'est la. On reçoit un auditeur. Allô, bonsoir. Je m'appelle Jean-André Frenona. Oui. Je ne sais pas si je peux intervenir. Oui, intervenez. Soyez le plus précis et le plus succinct possible. Donnez votre position. Oui, ma position, déjà, dès le départ, à la question posée, un chrétien véritable ne peut pas faire la politique. Bon, maintenant, je veux être un peu plus clair dans mon affirmation là. Parce que tout à l'heure, il y a beaucoup qui ont posé des définitions de la politique et tout le reste. Mais je voudrais dire que la politique d'aujourd'hui a été quelque peu biaisée par rapport au sens premier. Et comme les autres ont dit, c'est une politique entachée de beaucoup de souillures. Et les affaires de la cité en question dont nous parlons, ce sont des affaires qui sont des affaires de l'ordre du monde. C'est-à-dire que, attaché aussi des souillures. Si on peut se référer un peu à ce que les hommes de Dieu ont fait avant, par exemple Joseph en Égypte et tout, on a vu que les affaires ils géraient. Et maintenant, de quelle façon ils géraient, c'était tout sur la base d'une pureté, d'une clarté, d'une ouverture qui ne disait pas son nom. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a mélangé les affaires bibliques avec les lois sataniques. Vous savez même de quelle façon cela est fait. Et cela est inspiré même par qui? Par ceux-là qui font en même temps partie des lois sataniques et qui vont à l'église. Je voudrais revenir un peu sur le président Baraka a dit là tout à l'heure que Dieu est dynamique. Je suis d'accord avec lui. Mais alors, il est dynamique dans quel sens? C'est que les gens veulent, pendant que, quand ils étaient des anciens politiques, et qui sont devenus chrétiens, ils veulent continuer à faire leur ancienne politique dans le milieu chrétien. Alors que ce que la Bible nous enseigne, c'est comme pour un chrétien qui un chrétien qui sert Christ ne devrait pas entrer dans le milieu politique. Et on a des cas, on a plusieurs cas. On vous a suivi, frère André, vous a parfaitement suivi. On a parfaitement suivi votre position. Revenez-nous plus tard. Et d'autres, je rappelle également que le code d'accès, 243-07-56-32, appel direct, et le par SMS 690-93-93-34. Bandakani, vous aviez la parole. Merci, frère André Nouna, pour votre intervention. Et il vous a plus ou moins interpellé. Hein. Je vous rappelle. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, je vous rappelle toujours pour voir le comportement des gens. Ils m'ont encore interrompu. Comme si tout ce qu'ils disent me plaît. Allez-y, peut faire parler. Voilà. Alors, vous avez vu l'argument. Il vient de croire. Ça, c'est ça des trucs qui parlent. Hein. Vous situez le Christianisme au Cameroun par rapport à la date où vous avez cru. Alors, moi, je vous dis non. Et moi, je crois en 73. La Sable qui était fondée en 1964. Il m'interrompt. Donc, ne me dites pas des mensonges à la radio. Il m'interrompt. D'accord. Comme peut-être que vous n'avez pas compris le fond de sa pensée. Allez-y, voilà, Bandakani. Je voudrais revenir dessus. Quand on parle de guide pentecôtiste au Cameroun, il y a quand même des pionniers comme Papa Obakaï. Son fils m'a remis un livre, je suis en train de lire. Et il dit ce que je dis là-dedans. Quand je dis que les églises réveillées, j'ai dit les églises. Ça veut dire qu'il y a cette multiplication des églises réveillées. On connaît, ça a pris l'envol à partir des lois sur la liberté au Cameroun. C'est ce que je voulais dire. Bon, maintenant, on peut le faire semblant de ne pas comprendre ce que je vais dire pour m'attaquer. C'est son droit. Mais je dis, quand on dit qu'il vient de croire, voilà comment le Saint-Esprit parle. Comme si la foi avait un rapport avec l'âge. Puisque Jésus a 12 ans, scandalisait les gens. Il avait 12 ans au temple. Il enseignait les docteurs au temple. Donc, pour dire que je ne parle, c'est pas ce que je voulais. Je sais qu'il y a les pionniers. Je viens de citer un nom, Papa Obakaï. On va nier. Saint-Pierre. Saint-Pierre. Donc je veux dire que je connais un peu l'histoire du mouvement de l'église évangélique au Cameroun. Je connais un peu, si modeste. Je connais un peu. Donc, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, alors, tout à l'heure, il a parlé, on a convoqué, pour ne pas personnaliser le débat, on a convoqué la séparation de l'Église et de l'État, on l'appelle le cas français. Qui a fait cette séparation? Ce sont des hommes politiques. Quand c'est bon, on prend. Quand ça arrange, on prend. Ce sont les hommes politiques que l'on fait. On pense qu'il est bon, ce qui est mauvais, on jette. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. On rejette. Laissez-moi parler. Non, je relève seulement vos contradictions. Les auditeurs vont être édifiés. C'est les hommes politiques qui ont fait cette séparation en France. Claire. Ce sont les hommes politiques. Maintenant, on peut les insulter après, mais on prend ce qui est bon en eux, tout et tout. Donc, je reviens tout à l'heure. On a cité ici, on nous a taxé d'être influencés par l'esprit du kingdom qui vient des États-Unis. Kingdom now. Oui, on a convoqué les papes et tout et tout. Il faut arrêter ce jeu-là. Est-ce que nous aussi, on va dire que cet évangile, c'est l'évangile colonial? Ce qu'on fait là, c'est l'évangile colonial, puisque c'est ce qu'on enseigne aux gens ici pendant la colonisation. C'est le Dieu-là qu'on enseignait. Ceux qui disaient de ne pas faire ça, de ne pas faire la politique, faisaient la politique. Les évêques, tout ça faisait la politique, puisqu'ils faisaient les confessions, ils allaient trahir les épécistes. Au nom de Jésus. Donc c'est l'évangile colonial. Est-ce que moi je l'ai dit ici au début? Moi je ne connais pas ce qu'on appelle kingdom. Moi je ne connais pas ces choses. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas connaître ça. Moi quand j'ai cru, il faut parler de ça, quand j'ai cru, j'ai voulu arrêter la politique. Moi, ma première décision c'était que j'arrête la politique. Il y a des témoins. Mais quand je vais dire, ils vont dire que c'est ton Dieu. Donc on peut discuter. Je veux dire que Dieu reconnaîtra les siens, je n'en parle pas. Mais je connais celui qui m'a dit, reste en politique, je vais t'enseigner la politique. Allez-y, dites-le, c'est le Seigneur qui vous a ordonné. Non, je vous en prie, Patrick. Ce témoignage, je l'ai fait ici plusieurs fois. Mais vous savez, il y a une forme d'inquisition qui se passe sur le plateau douche, qui fait que ma foi est remise en cause parce que j'ai fait la politique. Donc je respecte cette inquisition-là, je la respecte énormément. Pourquoi j'ai peur? Parce que ma tête peut tomber ici de dire je ne vous ai pas interrompu. N'escapons pas quand même. Voilà, c'est une formule de langage. Donc pour dire que je sais celui qui m'a dit de continuer la politique, il va me l'enseigner. Et on verra. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Donc moi j'ai voulu prendre cette décision de la politique. On m'a dit de ne pas l'arrêter. Donc pour dire quoi? Pour dire. Quand on convoque la politique avec des arguments aussi vifs, mais on peut poser la question de savoir, mais ces gens qui parlent comme ça, mais quel est le thème de l'église dont ils parlent, de leur église? Faut qu'on en parle. Allons-y. Quel est le spectacle qu'on donne là-dehors? Qu'ils donnent là-dehors ces gens? Puisque j'ai envie de leur dire que mais laissez la politique, comme il a même dit, laissez ça. Faites d'abord bien votre travail de pasteur, si vous êtes pasteur, faites ça bien. Faites déjà ça bien. Vous voulez parler de la politique. Moi qui suis là, jamais je ne suis demandé à un chrétien de venir dans mon parti. Peut-être qu'ils ne savent même pas de qui parle. Jamais. Je n'en ai pas envie. Restez dans votre apolitisme. Le monde se fera sans vous. Il y a des changements qui se feront sans vous. Restez dans votre. Est-ce que vous demandez de venir faire la politique? Oui. Restez avec vos oreilles dans les prisons que vous avez construites. Restez avec eux là-bas. Oui, mais Manakani. Restez avec eux là-bas. Il y en a vraiment... pas besoin. Moi, je n'ai pas envie que les chrétiens viennent faire la politique dans mon parti. Je n'ai pas besoin. Attendez, c'est profond. Moi, je ne cherche pas les militants dans mon parti. Moi, là où le fait indirectement, je ne vends pas l'État. Attends, parce que là où le fait indirectement, je ne vends pas l'État. Attends, berger, et on suit. Je ne vous interromps pas. Voilà la différence qu'il y a entre nous depuis. Non, je vous interromps quand vous parlez. Alors, je pose. Moi, je vous interromps. Vous êtes tellement excité, ça pose. Moi, je vous interromps pas quand vous parlez. Même dans votre assemblée nationale, ça se passe ainsi. Ne m'interromps pas quand je parle. Une question, Banakani. Je vous en prie. Alors, quand vous dites. Quand quelqu'un. Quand il y a des remarques, voilà, il y a des remarques, des remarques qui reviennent généralement à votre endroit, je vous le fais état ici, où on se dit l'intelligence, l'énergie, la prestance de Banakani, est-ce qu'elle n'aurait pas été plus utile à faire avancer l'œuvre de Dieu qu'à servir dans des combats politiques? Non, ils n'ont pas besoin des gens. Je dis que, mais, voilà pourquoi vous avez dit tout à l'heure que. Qui s'occupe de... Ils ont besoin de moi pour faire quoi là-bas? Puisque je ne suis pas enfant de Dieu. Pas il, non, je ne suis pas enfant de Dieu. Puisque pour être enfant de Dieu, il faut apprendre la politique. Donc, je ne peux pas être utile dans ça. Je ne peux pas être utile. Non, je ne peux pas être utile là-bas. Donc, et maintenant, est-ce que je vais abandonner ce que Dieu m'a dit de faire parce que je veux suivre les gens? Pas du tout. Donc, et puis comme je dis, je n'ai pas besoin de militants chrétiens dans le parti. Beaucoup de gens marchent avec moi, monsieur. Je ne vends pas de cartes, hein. Mais vous connaissez mon parcours, vous particulièrement. Tout à fait. Ils sont pleins là. Donc, je ne cherche pas la quête des militants. la parole de Dieu. Dieu, c'est démonstration de force aussi. La foi, c'est la ferme assurance qu'on espère et la démonstration ce qu'on ne voit pas. Amen. Quand tu arriveras, on verra. On verra par rapport à ça qui a raison ou pas. Simplement. Je voulais juste ajouter de l'eau dans votre moulin. Nous avons un bien-aimé qui est du plein évangile qui s'appelle Dr Olivier Binet, qui est chrétien, né de nouveau. Il a un parti politique. Et il va là en enfer. Il n'est pas enfant de Dieu. Non, je vous rappelle un fait historique, un fait pour que, parce que je suis d'abord journaliste. Donc, il se retrouve dans un débat télévisé avec Pierre Mokokom Bonjo à l'élection présidentielle de 2011. Le professeur Mokokom Bonjo, qui représentait le RDPC, demande à M. Olivier Billet d'abord d'aller gagner une mairie avant d'être candidat à l'élection présidentielle. Et quand on lance les municipales 2013, la mairie que l'UPS de Olivier Billet gagne, c'est la mairie de Mokokom Bonjo. Parce qu'il dit dans cette déclaration que son combat n'est pas le combat de Olivier Billet, mais accompagné du Seigneur, et il va gagner, et c'est la mairie de Mokokom Bonjo. Je termine en disant ceci, je donne des faits. Moi, Bandakani, tout le monde sait que je soutiens le président Paul Biya. Je le fais. Quand il faut le critiquer, je critique. Je le soutiens sans rien attendre de lui. Je ne l'ai jamais rencontré. Et je les mets au défi. Et je parle d'une radio publique. Les autorités de la ville de Douala allaient rencontrer le témoignage qu'ils ont de Bandakani. J'ai obtenu une médaille du chef d'État à titre exceptionnel. Je n'en parle rarement. Je ne vous ai jamais dit ça. Exceptionnel. Il dit bien exceptionnel. Remis dans une cérémonie spéciale avec un discours du gouverneur. Et ils ont dit, ton Dieu là, on l'apprécie. Parce qu'ils voient le témoignage. Donc, ce n'est pas le discours. Ce n'est pas une affaire de citatisme biblique. C'est dans les véritables épreuves qu'on sait un vrai enfant de Dieu. Les vraies épreuves, quand vous êtes confronté là, devant la violence de ce monde-là, et vous manifestez votre Dieu, ça se voit. Ce n'est pas en récitant les paroles bibliques, en passant pour les docteurs de la lettre, comme étaient les pharisiens et les scribes. Ils maîtrisaient la lettre. Jésus leur a dit, vous mettez le joug sur le dos des faibles, que vous ne portiez pas. Donc, cette affaire-là, dont on parle à la politique, ça c'est l'évangile. Maintenant, je vais en passer. C'est l'évangile colonial, ça. C'est le christianisme colonial. Et c'est pour ça que le christianisme au Cameroun est devenu un truc banal et vulgaire. Ça ne sert à rien dans ce pays. Pourquoi il récite des choses de la colonisation? On me dit que le monde se réduit à la politique, mais les gens sont dans le monde. Ils pratiquent le monde tous les jours. Ils sont dans l'activité. Ils prennent les choses du monde tous les jours. Mais le monde se réduit à la politique. On ne peut pas faire la politique, mais on peut s'habiller avec les tenues du monde. On peut bien être les. Voici les instruments, c'est fabriqué par les mondains. Ça, ces micros, ces appareils, c'est fabriqué par des mondains. Mais les gens qui prêchent là, ils prêchent dessus sans avoir honte. Mais ils disent. Une fois le petit, vous êtes un peu quand vous parlez. Vous êtes complexité. Allez-y, Donc, je suis en train de dire que ces gens réduisent le monde à la politique. Le monde pour eux, c'est la politique. Moi, je connais plein d'enfants de Dieu dans les entreprises multinationales. Allez voir les compromissions. Et ces mêmes gars me disent que non, on ne fait pas la politique. J'ai plein d'amis. Rocard dans les entreprises. Bolloré partout. Oh, Bolloré, je peux prendre son cas. C'est un homme politique, puisqu'il est l'ami des politiciens, il marche avec le chef d'État, main dans la main. Mais les enfants de Dieu travaillent, entre guillemets, travaillent dans son entreprise et allez voir leur compromission. Mais ça, c'est pas le monde, hein. Non. Le monde, c'est seulement la politique. Non. Oh, moi, je dénonce ces choses, publiquement. Je les dénonce, publiquement. Très bien. Conformément à ce que dit la parole de Dieu. Mmh. Donc, vraiment, il faut qu'on arrête ça. Le monde, c'est pas la politique. S'il fallait réfléchir comme ça, ces messieurs, ils n'auraient pas cette émission ici, parce que ce micro, c'est l'œuvre du mondain. C'est l'œuvre du monde. Ok, j'ai la parole. Oui. Mais c'est que j'ai dit d'entrée la remarque. Pour arracher simplement la parole. Non, du tout. Je lui ai passé la parole. Je sais automatiquement qu'après lui, c'est moi. Donc, je vois que lorsque l'apôtre a intervenu chaque fois devant lui, il n'écrit pas au scandale qu'on ne l'interrompt pas quand on parle. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on l'interrompt lorsqu'on veut dire quelque chose qui est contraire à ses idées. Si c'est comme ça, s'il est président de la République, personne ne parlera. Il n'y aura plus de parti politique. Il va cesser le multipartisme. Donc, maintenant, j'en viens ici pour dire ceci. S'il dit pour son cas de façon spécifique que Dieu lui a dit de demeurer dans la politique, ça change la donnée. Mais c'est pourquoi nous sommes ici. Mais est-ce que Dieu se contrarie? Non, c'est pas comme ça. J'arrive. Vous voyez comment ils sont scandalisés. Ne me coupez pas non plus aussi quand je parle. Je vais parler jusqu'à je vais finir. Maintenant, Dieu, dans le livre de Osée, au chapitre 1, la première fois que Dieu parle au prophète Osée, il lui dit de façon spécifique d'aller prendre une femme de prostituée, épouser une prostituée parce qu'il veut faire quelque chose. Mais ce n'est pas pour autant dire que désormais, il faut que chacun va épouser une prostituée. Si Dieu a adressé une parole de façon spécifique à quelqu'un d'être quelque part, c'est qu'il a un plan derrière. Mais ce dont nous sommes en train de discuter ici, c'est du fait que est-ce que c'est un droit légal pour les chrétiens de s'immiscer dans la politique? La Bible dit c'est non. De la même façon, on peut prendre ici en disant que Dieu a dit à Osée de prendre une femme prostituée, il dit désormais, il peut faire la prostitution et que la prostitution solution légale parce que Dieu l'a fait aussi. Donc maintenant, Dieu a dit à le prophète Osée de façon spécifique. Donc il ne faut pas qu'on se leurre des restes des choses en disant on ne peut pas. Il ne faut pas généraliser. On ne peut pas généraliser les choses. Parce que depuis qu'il parle là, il a, c'est de l'individualité. Il n'y a pas un seul verset biblique. Parce que si, enfin, déjà, il touche l'apôtre pour lui dire que les premiers apôtres qui étaient les authentiques ont dit clairement, ils ont compris la mission du Seigneur Jésus-Christ, que la mission des chrétiens n'a jamais été, jamais, dans la pensée de Dieu, de changer le monde. Le monde est en train de suivre un processus établi par Dieu et ça va aller de façon dégréglante. Jésus a dit que la l'iniquité va aller croissant. Si le Seigneur Jésus a dit que l'iniquité va aller croissant et que les enfants de Dieu pensent qu'ils vont entrer changer. Dans les trucs pour changer, pour qu'ils n'arrivent pas, ils sont en train de lutter indirectement contre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que de tôt ou tard, ça va aller dégringolade en dégringolade pour attirer la colère de Dieu sur ce monde aussi. Donc c'est ça qu'il veut dire. Donc autre chose maintenant. Question, fait, peut-être oui. Que je ne coupe pas le courant de vos idées, le fil oui. De vos idées. Est-ce que vous, Elie Bertrand Chabdar, et ceux qui vous suivent, oui. Vous allez voter, vous participez aux élections? C'est là tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que chaque chrétien est libre d'exercer son droit de vote. C'est pour ça qu'il parlait que vous, les chrétiens. Titre, vous, ah, moi, je, fait? Moi oui. je peux voter si je le veux. Avez-vous déjà voté? Je n'ai jamais voté. Et je ne dis pas que j'ai voté ou de ne pas voter. Je n'ai jamais voté. Je n'ai jamais voté. Ah, et c'est mon choix, c'est le droit le plus absolu. Il peut voter, quelqu'un peut voter comme il peut ne pas voter. Donc mais je dis que je n'influence pas quelqu'un, mais nous sommes là pour dire la vérité. Alors, les élections, quel est le discours que vous tenez dans. Je ne suis pas conditionné par un événement qui arrive dans le pays. Je ne suis pas conditionné par les événements et les pensées politiciens. C'est pas comme ça que je suis. Je suis le rythme du Saint-Esprit. Okay. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que lorsque quelqu'un veut exercer son droit de la souveraineté, il faut qu'il exerce. Mais nous sommes sur le plateau pour répondre à la question, le chrétien doit-il faire la politique? De façon générale, la Bible est claire, c'est non. Parce que toutes les choses qu'on va faire là, ce n'est que une taxe d'électriste, ils ont l'esprit, mais ça veut dire que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean et tous les autres apôtres authentiques du Seigneur Jésus, et même Jésus, quand ils prennent le cas de Jésus, ils ont du mal à faire. Il dit que Jésus d'Arimathée est venu voir Jésus. Nicodème est venu de nuit, je vois Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers Nicodème, c'est Nicodème qui est venu vers Jésus. Donc si on prend ce syllogisme, ce sont les politiciens qui sont censés venir vers les pasteurs pour demander comment on fait pour gérer, comment on fait pour s'en sortir. Ce n'est pas à nous de s'initier là-bas. Tout à l'heure, l'apôtre a pris Matthieu chapitre 28, verset 19 en disant que le Seigneur Jésus a dit allez à toutes les nations et faire des nations les disciples, les baptisant dans le Père, du Fils, Saint-Esprit. Si aujourd'hui ils ont compris qu'il faut s'initier à la politique pour le faire, l'apôtre Paul a dû mal faire. L'apôtre Paul a reçu une commission de façon spécifique à Dieu en disant que il portera mon nom devant les rois, devant les nations. Et Dieu a usé de ses moyens pour le faire arriver là-bas. Il a utilisé la prison, utilisé les persécutions, utilisé le transport jusqu'à Rome pour pouvoir témoigner comme il le fait. Donc quand Dieu veut traiter avec un individu de façon spécifique, il le fait de façon spécifique et c'est toujours dans la ligne droite de sa parole. Mais qu'on ne vient pas généraliser ici sur ces antennes en disant que tous les chrétiens doivent le faire. Alors non, avant de vous passer la parole à André Fanga, je lui pose encore une question. Alors si vous avez affaire à un maire qui se réclame chrétien ou un député, là, vous avez tout de suite des objections, des appréhensions. Vous dites qu'il n'est pas vraiment enfant de Dieu. Non, s'il est parvenu par voie électorale. Oui, attention. C'est là, alors, il a parlé de l'évangile colonial. Peut-être on confond les gens. Il faut qu'on se comprenne. Chaque personne a son témoignage propre avec le Seigneur. Ce n'est pas le fait qu'il soit maire. Par exemple, vous allez voir les gens qui continuent à traîner certains péchés. Il y a même des pasteurs, comme il a cité là, les pasteurs qui vivent dans l'adultère et au-delà. Ils n'en demeurent pas moins qu'ils sont enfants de Dieu. Mais ils sont dans des dérèglements et que Dieu va les ramener. Comme au milieu des chrétiens. Parmi les dérèglements, vous y ajouter la politique, la pratique de la politique. J'en viens par exemple, vous me posez la question, si je rencontre un maire ou un député, s'il est enfant de Dieu, le statut d'enfant de Dieu ne fait rien faire de la politique. Si, par exemple, si vous êtes enfant de Dieu et que vous faites de la politique, ça ne fait pas que vous ne soyez plus enfant de Dieu. Il faut pas faire mal à madame. Dieu ne retire pas un temps, tu n'es plus mon enfant parce que tu as fait des choses, c'est pas ça. Dieu fait de la correction. La Bible déclare qu'il use des moyens pour nous corriger afin que nous participons à sa sainteté. Ne fait pas faire la madame. Donc s'il rencontre le maire, comme lui, il est là, il me prête des idées, je ne le juge pas en disant qu'il va aller en enfer, qu'il est un démon. Non. Nous sommes ici pour se corriger. Si par exemple il a tort, je me dois en tant que son frère, s'il n'admet pas sur ce plateau, il est mon frère parce que je prends sur son témoignage. Je lui dis, frère, si Dieu t'a dit que tu demeures dans la politique, qui t'a dit cela, alors demeure-y. Mais que sur ce plateau, en tant que chrétien, je dois dire aux chrétiens qu'il n'y a pas un verset biblique qui soutient le fait que les chrétiens doivent participer, quoi, doivent militer dans les partis politiques. C'est ça qu'il avait dit. Très bien. André Christel Fanger. Je réagis promptement en lui disant que mon frère, soyons sérieux. Vous avez mis le Saint-Esprit dans une boîte où c'est quand il décide de temps en temps, de temps à autre pour faire injecter quelqu'un dans la politique, ou bien c'était juste quand l'apôtre Paul il a reçu une grâce et ça s'arrête là. Bon voilà, ce n'était que lui. Donc dans tout le monde entier, aujourd'hui, il n'y a plus les gens qui ont la même grâce que Paul ou bien qui ont plus que Paul ou qui ont moins que Paul. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, je n'ai pas dit ça. Après, c'est comme ça que vous le comprenez. Ouais, c'est ce que je suis en train de comprendre. D'accord. Je n'ai pas dit ça. Non, écoutez, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Soyons très sérieux dans ce que nous faisons quand nous prenons la parole de Dieu comme exemple. Parce que quand vous regardez le monde fonctionner aujourd'hui, qui va changer le monde ou bien qui va faire... Dieu n'a pas demandé aux chrétiens de écoutez, le monsieur, Dieu... non, monsieur, allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Il a dit je prêchais la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour transformer des vies, monsieur. Non, monsieur. Non, je ne veux pas. Non, on se calme. Non, monsieur, la bonne nouvelle, c'est pour transformer des vies. Est-ce que le gouvernement a d'adapté? Vous prêchez votre évangile où? Non, non, laissez-moi. Monsieur, vous prêchez pour vous l'évangile où? La bonne pour qui a reçu cette commission? Lorsqu'il a prêché son évangile, bouleversé les vies. Est-ce que le système politique a changé? Non, monsieur. Alors, les vies ont changé. Monsieur, le système politique n'a pas changé. Vous prêchez pour vous l'évangile où? Dites-nous. Non, écoutez, vous prêchez pour vous l'évangile où? Dans les quatre murs, dans les gens que vous avez embrigadés, vous pensez que c'est ça c'est ça la chrétienté? Je ne le fais pas. Mais si vous ne prêchez pas, si vous ne allez pas dans le monde, vous prêchez alors où? Vous voyez, vous prêchez alors où? C'est vous qui avez le col passé. Monsieur l'apôtre, vous prêchez alors votre évangile où? Là où le Seigneur Jésus m'envoie. Où? N'importe où il m'envoie, je le fais. Dites-nous. Et quand vous faites l'évangile au ciel, c'est sur la terre, là il m'envoie. Ah, dans le monde? Oui, absolument. Mais vous faites la sorcellerie ou quoi? Mais c'est vous qui faites la sorcellerie. Mais parce que quand vous. Non, non, soyons sérieux, mes chers messieurs. Soyons sérieux. Dans un verset clair de la Bible, vous refusez Matthieu 28. Allez partout dans le monde. Vous voulez non, changer le monde. Allez partout dans le monde. Et changer le monde. Non, je dis, allez partout. L'évangile, c'est pas fait pour moi. Monsieur, vous allez baptiser quelqu'un. Monsieur, monsieur, monsieur. Quand vous allez prêcher, c'est pour faire quoi? Pour faire les disciples. Un disciple, c'est pour faire quoi? Je suis Christ. Mais attendez, vous faites la sorcellerie. Vous nous démontrez un évangile que nous ne comprenons pas là vraiment. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, j'ai dit, vraiment, on ne vous comprend pas. Jésus dit la plus grande commission, le dernier commandement qu'il laisse à ses disciples, c'est d'aller dans le monde. Vous, apôtre, vous avez transformé quel président, vous là, qui apôtre? De comment vous comprenez ça? J'ai pas besoin de venir démontrer mes témoignages ici. Monsieur, monsieur. Vous avez transformé quel monde? Et vous êtes. Je me rappelle d'un message. Comme envoyé il y a de cela quelques jours dans ma page Facebook, un chrétien qui est né de nouveau, il a la Bible, et quand le bailleur arrive, monsieur, c'est la fin du mois, payez votre loyer, il insulte le bailleur, il dit escroc, Jésus a tout payé pour moi. Et c'est ce genre d'évangile que vous êtes en train de prêcher. Écoutez, je vous explique. D'accord, pour aller. J'explique. Parce que cet homme a la Bible en main. Enfin, dans le fond du sujet. On vient lui demander l'argent du loyer. Il dit que Jésus a tout payé pour lui. Donc même le loyer, il ne doit plus payer parce que Jésus-Christ a tout payé pour lui. Monsieur, c'est justement ce genre d'évangile que vous êtes en train de prêcher. Des gens qui restent dans la boîte fermée, qui ne veulent pas s'ouvrir au monde, alors que Jésus a dit aller dans tout le monde prêcher la bonne nouvelle. D'accord. Nous prêchons à tout le monde. Et, non, je n'ai pas fini. Je voulais arriver à développer quelque chose. Pour dire quoi? Les mêmes gens qui critiquent le monde, ils sont dans le même monde, ils vont dans le même marché, ils achètent les mêmes nourritures, les mêmes vêtements, ils payent les factures comme tout le monde, ils font tout comme tout le monde, ils sont dans le même monde, hein, et ils disent qu'ils prêchent l'évangile. Et je me pose alors la question, vous prêchez alors l'évangile à qui? Parce que est-ce que vous avez tellement peur de ces hommes politiques? Je comprends. Vous avez peur. Votre Saint-Esprit est limité. Il ne peut pas prêcher un président de la République. Il ne peut pas prêcher un ministre ou un gouverneur ou un directeur général. Donc, c'est limité. Vous ne connaissez donc, pas votre rapport avec le président de la République. Je n'ai pas besoin de savoir. Votre Saint-Esprit, la façon que vous parlez, pour dire que vous ne pouvez pas influencer un chef d'État, vous ne pouvez pas influencer un ministre par la parole de Dieu. Un chef d'État depuis plus de 30 ans. Dites-nous. Écoutez, ce n'est pas la concurrence. Ce n'est pas. Donc, pour dire, on est dans un débat. C'est pour dire que même Jésus, quand il marchait, il avait des hommes politiques autour de lui. Mais il n'était pas dans la politique. Oh, écoutez, un leader, c'est celui qui marche avec tout le monde. Jésus était un leader. Monsieur, Jésus était un leader. Non, écoutez. Ah, comment ça alors? Vous pouvez marcher avec Jésus et vous n'êtes pas chrétien. Même si vous êtes en politique. Jésus n'était pas ses disciples. Nous ne savons pas cela non plus. Oh là là. C'est grave. Oui. Ah oui. Laissez-moi. Comment c'est grave? C'est grave. C'est grave. Tout ce que Marcel dit, c'est grave. C'est grave. Le disciple. C'est grave. Il a marché, avec 82 disciples. À la fin, ils sont partis. Ils sont partis. C'est 12, hein. Sur 82, hein. Oh là là. Nous parlons de la mixité. Parlons de la mixité. Est-ce que je comprends pourquoi le président Banda Kané ne voulait pas s'exprimer tout à l'heure? À chaque fois, il y a des gens qui l'interrompent parce qu'on n'arrive même pas à développer des choses. Oui. Non, je ne l'ai pas interrompu. J'ajoutais de l'eau dans son moulin. Interrompre, c'est couper la parole. Faire du pouvoir. Nous revenons au sujet. Quels sont les passages bibliques de façon claire, messieurs, unanime, indiquent ou autorisent les chrétiens à s'initier en politique? Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Joël 2. Vos fils et vos filles feront la politique. Auront des visions. Auront des visions. Vision, c'est quelque chose de clair, visible, qu'on voit, précis, qu'on tu dois accomplir. Ça peut être dans la politique, ça peut être dans la culture, ça peut être dans l'art, ça peut être dans la musique, ça peut être dans n'importe quel domaine, parce que Dieu n'est pas limité. Mais on a aujourd'hui affaire à certains chrétiens qui sont limités, qui ont limité Dieu dans une boîte, et qui pensent que non. Quand je dis que le président du Ghana est un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a tenu un discours dans son assemblée, qui ne connaît même pas, qui dit appartenait et qui ne connaît pas, qui a eu une assemblée générale où le président du Ghana, qui est enfant de Dieu, a tenu un discours en les entendant. Écoutez, messieurs, écoutez. Je ne suis pas dans un discours de président tel a tenu. Non, je lui dis, lui, apôtre de l'église baptiste, je ne sais pas quelle, mais que le président du Ghana a tenu un discours enfant de Dieu. Ils sont nombreux, ces hommes politiques, qui sont nés de nouveau. Ah bon? Qui appliquent la politique, qui vivent mieux. Parce que nous sommes avec, et quand vous regardez la logique de cet évangile, des gens qui disent qu'il ne faut pas faire la politique, c'est les mêmes gens qui se plaignent tous les jours, où le bailleur vient demander tous les jours les loyers. Parce qu'ils croient que non, tout est acquis, non, c'est les païens, ils ne vont jamais nous comprendre, ils ne vont jamais faire, le monde nous a régné comme ils ont régné Jésus. Mais non, nous devons prouver au monde que nous sommes nés de nouveau, que nous avons, par notre vie de tous les jours. Vous allez demander à ces gens de ne pas aussi travailler dans les sociétés. Ah bon, vous êtes... Oui, c'est bien sûr, parce que ces sociétés appartiennent aux hommes politiques. Non, ce n'est pas ça. Ah, d'accord. Ok. Je voulais ajouter quelque chose. Monsieur, je voulais arriver à ce niveau. Monsieur a dit tout à l'heure qu'il n'a jamais voté et qu'il ne va jamais voter. C'est un scandale. Il a dit qu'il n'a pas dit. Il a dit, vous ajoutez qu'il ne va jamais voter. D'accord. Permettez que je donne... Je vous dis, première des choses, que vous êtes un premier hors la loi qui existe et que vous méritez être arrêté. Donc, il a le laisser avec le SMS. Je vais continuer. Écoutez, parce que je vais vous prendre votre Bible pour vous dire. Lisez le SMS. Nous rentrons le débat. Je permets à cet auditeur. Un chrétien peut bel et bien faire la politique, que les gens cessent de vouloir frustrer les chrétiens avec leur éloquence. Il cite Actes 18, verset 24. Et 24, il est bien lire et comprendre Matthieu 28, verset 18. Achille, le Niala, dont la grande commission allait faire de toutes les nations les disciples. Alors, apôtre. Non, j'avais encore la parole. Non, je vous ai répondu la parole. Juste une seconde. Pour lui dire, lui qui cite que nous sommes soumis aux autorités, nous devons prier aux autorités. C'est ces autorités-là qui ont inspiré que nous devons nous inscrire sur les listes électorales et d'aller voter. Et c'est un devoir civique, un devoir de citoyen. Donc vous êtes hors la loi, né de nouveau. Vous qui dites que vous êtes pasteur, et vous êtes hors la loi, et vous dites que vous n'avez jamais voté de votre vie. C'est dangereux. Il aura l'occasion de répondre à apôtre Robert Kamte. Oui, je voulais déjà dire que la loi camerounaise dit que qui peut voter, celui qui veut vote, celui qui veut ne vote pas. Donc c'est pas un problème. Maintenant, le vote n'est pas obligatoire. Ils ne sont pas autant de... Voilà, je m'arrête là. Donc, la carte de vote n'est pas une pièce d'identité pour marcher avec. Donc, le frère est libre de voter s'il veut. Il vote s'il ne veut pas, il ne vote pas. Je voulais dire que la Bible dit, quand il plut à celui qui m'avait appelé dès le sein de ma mère, c'est Paul qui dit dans Galates chapitre 1er, de me mettre à part. Et quand il m'appela, je n'ai consulté ni chair ni sang. L'apôtre Paul n'a appartenu à aucun parti politique. Aucun apôtre dans le Nouveau Testament n'a appartenu à aucun parti politique. Jésus est arrivé, il a trouvé des partis politiques, il n'y est pas entré et la politique ne lui a pas facilité la tâche. On l'a arrêté, on l'a crucifié. Que les frères essayent aujourd'hui de me dire qu'ils sont là pour changer le monde, vous n'aurez pas la tâche facile. Je ne suis pas là pour changer le monde, je suis là pour changer les individus. Amen. Qui sont dans le monde, les préparer en vue de l'enlèvement. Amen. De l'enlèvement qui aura lieu très bientôt. Amen. Nous irons nous recueillir avec le Seigneur pendant 3 ans et demi, là-haut, et nous redescendrons donc pour gouverner le monde dont Jésus sera le roi. Amen. J'appartiens à ce gouvernement. Maintenant, je suis sur, entre guillemets, je suis dans le maquis avec Jésus. On a mis Jésus qui est hors de la porte. Je suis sorti avec lui, hors du camp. Donc, je suis au maquis, entre guillemets, je dis bien, avec Jésus. Lui et moi, nous sommes de l'autre côté. Et comme David... Nous sommes face à un maquis. Non, il a dit qu'il était au maquis. Oui, oui, j'ai dit, oh, entre guillemets. Il a dit, entre guillemets. Il a dit, entre guillemets. Nous sommes pas dans les rues. Exapolé, je vous donne l'occasion de le faire. Je savais, je dis exprès. Voilà. Donc, nous sommes, je dis bien, nous sommes dans le maquis avec Jésus. Comme David était dans le maquis avec ses disciples, sachant qu'un jour, l'udonction de Samuel était sur sa tête. Ceux qui étaient arrivés savaient qu'un jour, David sera roi. Et quand il est devenu roi, ils ont gouverné avec eux. Maintenant, Jésus a été rejeté. Il a été crucifié, rejeté, et nous l'avons suivi là où il est. Et un jour, nous préparons des gens, donc, nous préparons des gens qui doivent recevoir le Saint-Esprit, être enlevés et revenir pour s'installer pour ce nouveau gouvernement. Le gouvernement actuel est voué à l'échec. Jésus a dit que ce gouvernement ira d'échec en échec, et il n'y a aucun homme qui va changer le système actuel pour l'améliorer. Amen. Même le réchauffement climatique, on essaie de dire qu'on va faire ci, on va faire, mais rien ne changera. Amen. Tout cela va aller décroissant jusqu'à ce que Christ vienne pour rétablir l'ordre des choses normales. Donc la politique est proscrite pour des véritables enfants de Dieu nés de nouveau. Nés de nouveau, c'est pas parce qu'on va parler en langue. Le SMS d'un auditeur, vous allez y répondre, apôtre Robert Kanté. Il dit, je le cite, « L'école, les routes, les hôpitaux, les moyens de transport, la technologie en général et bien d'autres sont-ils les fruits du monde ?» Entre parenthèses, la politique ou du royaume de Dieu. Non, et tout à l'heure, l'Assemblée dit ça ici, que le micro, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est pour le monde. Il faut qu'on fasse attention. Ce que la Bible appelle par monde n'a rien à voir avec cela. Tout ce Dieu qu'il a créé, tout Dieu a créé, et Satan n'a rien créé. Donc, quand on fait la part des gens, on veut comment dire, ne portez pas les habits. L'apôtre Jean qui a écrit, il y avait le rue en ce moment-là. Tout à l'heure, vous avez également posé la question que s'il arrive donc que tous les gouvernants sont de francs-maçons, qu'est-ce qui va en être? Tous les royaumes sur lesquels les juifs étaient contrôlés par Satan. Pharaon était un type même de pouvoir de Lucifer. En était encore un autre. Mais il y avait le gouvernement de Dieu, le gouvernement de Dieu contrôlait tout cela. Ce qui veut dire que le matériel dans le monde n'est pas du monde. Très bien. Quelle confusion. La parole à Bandakani. Bon, je crois que vous me laissez la parole pour que je termine. Vous avez vu une fois de plus, je n'ai interrompu personne. Je rappelle toujours sur les gens. Alors qu'ils disent des choses qui peuvent me pousser à réagir, je n'interromps pas. Donc, j'espère qu'ils m'interromperont. Ils ne m'interromperont pas aussi. D'abord, je tire la conséquence logique de ce que vient de dire l'apôtre. Ça veut dire que ma nouvelle naissance est contestable, puisque j'ai fait la politique. Je ne suis donc pas un enfant de Dieu. Dans le langage, il y a la logique du langage. Peut-être que vous êtes un enfant de Dieu qui s'égare. Tout à fait. Merci de me corriger. Je peux répondre. Non, laissez-moi répondre, parce que vous me dites. Mais ne vous pas poser la question. Si vous voulez parler, prenez la parole. Non. Moi, je ne pas interrompre. Allons-y. Vous avez dit ça. Vous voulez vous répondre en quoi? Vous n'avez pas posé une question. Je tire les conséquences de vos propos. Ça s'appelle la logique. La logique, ça s'enseigne à l'école. Ça le remet peut-être en cause de Les gens nous écoutent. On tire la conséquence, c'est que moi je suis un égaré, tu as bien formulé, je suis un égaré, je ne suis pas un enfant de Dieu. Alors les gens paieront pour les propos qu'ils tiennent demain devant le Seigneur. Ils paieront parce que vous attribuez le droit de qualifier tel, comme tel, comme tel, sur la base de vos interprétations, de vos conceptions. Voilà. Alors tout à l'heure, quelqu'un a dit sur le plateau que si demain je suis président de la République, je vais interdire le multipartisme. Donc pour l'occasion, ça devient utile, le multipartisme. Ça devient utile. Ils peuvent défendre ça. C'est utile, ils peuvent défendre ça. Puis c'est dit que si je suis président, je vais interdire le multipartisme parce que j'ai demandé qu'on ne m'interrompe pas. Le fait de refuser qu'on m'interrompe est un marque de discipline. Ce n'est pas de la dictature. Bon, vous avez le droit d'interpréter comme vous voulez. Mais je dis que là, j'ai constaté que subitement, c'est très utile pour vous, pour l'instant précis. C'est bien. Alors, on dit, Je dis, il n'y a aucun verset biblique qui interdit littéralement à quelqu'un de faire la, à un enfant de Dieu de faire la politique. Je dis qu'il n'y a aucun verset biblique, je parle français, qui interdit littéralement à un enfant de Dieu de faire la politique. Tout ce qu'on raconte, ce sont des interprétations. Quand Dieu parle, il parle toujours clairement. Quand il veut interdire, il dit, ne fais pas ça. Et voilà. y en a-t-il un qui autorise? Voilà. Moi, je n'ai pas envie de l'interpréter. Non, voilà. Je n'ai pas envie de l'interpréter. Parce que je tiens compte de l'environnement dans lequel je me trouve. Puisque moi, je dis qu'il n'y a aucune parole, il n'y a aucun verset biblique de façon littérale qui interdit à un enfant de Dieu de faire la politique. Aucune. Au contraire. Tous les versets n'ont pas besoin d'être littéral. Vous m'interrompez. Oui. Alors, à partir du moment où c'est plus littéral, ça veut dire que vous interprétez. On parle français. Arrêtez de manipuler les auditeurs. Donc, comme moi, je ne vais pas dire ce que je dis, donc il n'y a aucun verset biblique. J'ai dit donc que tous les versets n'ont pas besoin d'être littéral. Vous continuez à m'interrompre. Permettez. Vous parlez comme vous voulez, vous déversez votre liberté. Vous pouvez interrompre. Non, moi, je ne le fais pas parce que je vous laisse. Je ne veux pas le faire également parce que je ne vous laisse pas dire des choses qui ne sont pas de la Bible. Voilà, ok. Allez-y, comme vous êtes le baromètre de la Bible ici, je vous laisse le droit. Je vous laisse le droit. Allez-y, vous laissez le droit. Exprimez votre. Non, je ne joue pas. Je ressens seulement leur contradiction. Il est le garant de la biblicité sur le plateau. Nous on ne connaît pas la Bible. C'est clair. Donc, je dis qu'il n'y a aucun verset biblique dans la qui dit un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique. Aucun. Toute l'histoire biblique, au contraire, milite pour que les enfants de Dieu fassent la politique. J'ai cité les exemples tout à l'heure. Je n'ai pas interprété, c'était des faits. Joseph, c'est un fait. On a également cité des faits. Joseph est un fait. Vous n'avez cité aucun fait tout à l'heure. Vous avez interprété des faits. Moi, je cite des faits sans interpréter parce que je n'ai pas la science infuse. C'est tout. C'est une question de minutité. Je peux interpréter plein de choses. Je peux interpréter Genèse, tout ça. Mais je ne le fais pas. Parce que j'estime que je suis devant des gens qui connaissent aussi. Donc, alors, moi, je cite des faits. Les faits sont là. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les faits sont là. Vous n'avez pas cité un seul cas dans le Nouveau Testament. Vous n'avez pas cité un seul cas. Aucun fait. J'ai cité le plus grand commandement, Matthieu 28. Allez et faites des nations des disciples. Et logique. Non. La logique, ce n'est pas l'interprétation. Écoutez, on a aussi un devoir d'enseignement à ceux qui nous écoutent. Je parle de la logique. Tout à l'heure, quand vous dites qu'un enfant de Dieu n'est le nouveau, ne fait pas la politique, logiquement, ça veut dire que je n'en suis pas un. Ça s'appelle la logique, ce n'est pas l'interprétation. Mais la logique, quand j'interprète. La logique n'est pas la vérité. Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas de logique. Or, nous utilisons tous la logique, y compris les pasteurs. Ils sont les plus grands champions pour utiliser dans le bavardage qu'ils font tout le temps. Donc, je suis en train de dire qu'il n'y a aucun verset qu'on cesse d'intimider les enfants de Dieu. Aucun verset biblique. Qui interdit l'enfant de Dieu de faire la politique. Alors, ceux qui se laissent influencer par les chamans devenus pasteurs, c'est leur problème. Donc, alors, on me dit, ce sont les politiciens qui doivent aller vers les pasteurs pour les rencontrer. Je vais donc aller vers qui? Je vais aller vers vous? Moi, je suis politicien, je vais aller vers vous? Oh, que Dieu m'en préserve. Voilà. Alors, je reviens. La sécurité de nos églises, la condition première pour qu'ils prêchent là, s'ils appellent ça les prédications, c'est leur droit. C'est que pour qu'ils prêchent, la sécurité est assurée par l'État. L'État, c'est essentiellement la politique. S'il n'y a pas de sécurité, ils vont prêcher où? Alors, en Centrafrique, voir comment le pasteur souffre aujourd'hui. J'en connais un. J'en ai plein amis là-bas. Ils font le témoignage sur la Centrafrique. Je prends ce cas. Aujourd'hui, ce qu'ils disent, hier, ils prêchaient contre la politique. Aujourd'hui, ils me disent que leur point de vue a changé. Ce sont les pasteurs centrafricains. Je peux les amener ici, ils vont témoigner. Je ne prends pas des histoires. Donc, ça ne me surprend pas. Une personne que demain, les gens changent. Donc, alors on dit que le monde, si vous supportez un peu, quand vous n'avez pas la parole, vous allez m'interrompre. Mon cher ami. J'espère qu'il n'y a pas une bougie de feu sur vos fesses qui vous récite aussi comme ça. Donc, alors on dit que, ok, on n'est pas là pour changer le monde. Moi, je suis là pour changer le monde. Changez-y. Vous ne changerez pas le monde. Il m'interrompt encore. Ils sont excités. Je suis là pour changer le monde. Non, on a pour échanger, mon cher. Non, on ne change pas. On n'est pas en train de dire tout ça. Si vous ne pouvez pas parler, vous sortez. Pourquoi vous mettez la colère? Non. Calmons les choses. Vous me demandez de sortir. Supportez les temps qu'on puisse réagir. Manakane, c'est. Vous me demandez de sortir. Alors voilà l'homme qui est très calme. Il me demande de sortir parce que je suis pas d'accord avec vous. Alors, non, on voit bien que vous êtes très calme. On voit bien que vous êtes très calme. Non, moi, j'ai beaucoup à dire quand vous parlez, mais par respect, je vous interromps pas. Parce que quand on interrompt quelqu'un, il peut perdre ses idées. Je vous dis que c'est une question d'humilité. Quand quelqu'un parle, vous l'interrompez, il peut perdre ses idées. C'est pas bien, c'est pas fait. Voilà pourquoi je vous interromps quand vous parlez. Oh, je peux dire, je peux vous interrompre à tout moment, je le fais pas. C'est tout ce que vous demandez. Ça n'a rien à voir avec la colère. Et puis maintenant, calmez-vous. Vous êtes déjà très fâché. Donc, le christianisme, alors moi, je ne peux pas changer le monde. Pourquoi? C'est le christianisme primitif, le vrai. qui a changé le monde. Le monde? Il dit qui a changé le monde concret dans lequel on vit. Sur le plan du droit, c'est le droit mondain, le droit aujourd'hui dont ils se servent pour autoriser leur, ce qu'ils appellent leurs églises est d'essence judéo-chrétienne. Bien sûr, je mesure mes mots. Si vous dites que si vous contestez mon statut d'enfant de Dieu, supportez que je conteste votre statut d'église. Pourquoi vous souffrez quand je le fais? Moi, je ne pleure pas quand vous parlez depuis là. Je ne pleure pas. Je pleure pas. Je constate seulement que vous dites que je suis pas enfant de Dieu. Sans pleurer. Alors, bon, moi, je suis en train de dire que ce que vous appelez église, est-ce que j'ai peur de vous? Je n'ai pas peur de vous, je vous le dis clairement. Ce que vous appelez église, vos boutiques que vous appelez église. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, le christianisme primitif a changé le monde sur le plan du droit, sur le plan de la politique. Et je vais citer, il y a des cas. John Wesley. C'est un précurseur pentecôtiste. C'est lui qui a changé l'Angleterre. Les bases d'Angleterre, lui, c'est lui. Et le courant méthodiste qu'il a créé a changé l'Angleterre et elle va aller fonder les États-Unis. C'est-à-dire que vous prenez la Suisse. Celui qui a transformé la Suisse, j'ai oublié son nom. C'est un chrétien pentecôtiste, j'ai oublié son nom. Je le livre à la maison. John Wycliffe. Vous dites ? John Wycliffe. Non, c'est pas lui. Je sais le quoi. C'est pas lui. Ah, merci. Merci, Jean Calvin. Vous le connaissez. Si je m'en vous avez me contredit. Il a changé, il a posé les bases de la Suisse moderne. Je ne dis pas que le monde est mieux, ou bien, mais ils ont changé le monde. Ça veut dire que le monde tel qu'il était avant eux a changé pour le bien des chrétiens qui en profitent puisqu'ils ne refusaient pas le bienfait de ce monde-là sur le plan matériel. Il a dit que le matériel, ce n'est pas le diable qui a créé. Je lui laisse dire ça. Mais je dis que ce monde-là, ils l'ont changé. C'était. Je ne vous interromps pas. Parce que vous pouvez me faire perdre mes idées. Oui, c'est la politique. Moi, quand vous parlez, vous restez. Comme je n'ai pas envie que vous perdez vos idées, vous supportez de temps à autre qu'on puisse placer un mot. C'est pas que je la contradiction place un mot. Donc, permettez-moi de lire un SMS qui est venu et qui s'adresse principalement à votre endroit. Président Banakani, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Nous sommes prêts à vous soutenir, Achille de Niala. Donc, vous terminez votre propos. Je suis en train de dire que je cite des cas concrets. Donc, Wesley. Qui le connaissent, si les histoires des bises le connaissent, pas n'importe qui. Donc il a changé l'Angleterre, il a posé les bases d'Angleterre moderne. Les systèmes politiques du monde aujourd'hui, c'est liberté. Tout à l'heure, il a parlé de la laïcité, la loi qui sépare l'église de l'État en France. C'est le travail de ces gens-ci, c'est le fruit de leur travail. Vous savez que les Américains, l'Amérique est née de quoi? De la guerre des religions. Les Européens ont fui l'Europe pour aller en Amérique parce qu'ils fuient les guerres des religions. Et la laïcité est partie de ce courant-là. C'était le travail des enfants de Dieu qui ont fait ce travail. Ils ont changé le monde. Il y a plein qui ont changé le monde. Ils ont amélioré le sort du monde. Je termine en disant ceci, il faut qu'on soit cohérent. Si on me dit que le monde est figé dès le départ, alors Dieu est mauvais. Il nous a piégés tous. Il nous a tous piégés. Et moi, ce Dieu-là, je ne crois pas en lui. C'est parce que Dieu annonce les choses qui vont arriver que forcément, ces choses ne changent pas. Puisque le même Dieu dit, celui qui croit, tout est possible. Tout. C'est Dieu qui dit, tout est possible. Je ne te peux pas. Je dis peut-être clair. C'est pour contrarier sa parole. Non, tout c'est lui qui dit non. Je n'ajoute rien à la parole là. C'est Dieu qui dit que celui qui croit, tout est possible. On peut poser un verset contraire. Ce jeu-là, je laisse à ce que je suis là de poser. Je ne suis pas là dans ça. Donc pour dire que, je suis en train de dire que si nous disons que le monde est figé, que le monde. Oui, vous la reprenez. Éloignez-vous, s'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste récepteur. Il est reparti, oui. Je suis en train de dire, il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. C'est parce que Dieu annonce les temps à venir, ce qui va arriver à cause du péché, que forcément le monde ne va pas changer. C'est faux. Je dis bien, c'est faux. C'est une lecture fataliste, c'est une lecture coloniale de l'évangile. C'est une lecture satanique de la parole de Dieu. Si Dieu est comme ça, alors il a piégé les êtres humains. Ça veut dire qu'on ne peut rien contre le péché. Il nous a tous piégés. Ce Dieu-là, moi, je ne le sais pas. Moi, je crois, ma foi transforme les choses. Maintenant, nous croyons tous en enlèvement. Un enfant de Dieu, il n'est pas chrétien. Parce que moi, depuis longtemps, il demande à Dieu de trouver un autre nom pour nous appeler. Parce que le spectacle dont les chrétiens est lamentable. Donc moi, j'ai dit, je pouvais parler d'enfant de Dieu, quelqu'un qui sait imiter le Christ. Donc j'ai dit que... Peut-être... Oh, oui, nous étions en ligne, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, présentez-vous et donnez votre point de vue sur la question. Allô? Oui, allô, bonsoir. Présentez-vous et donnez votre point de vue sur la question rapidement, s'il vous plaît. Oui, je suis le frère Liberté Sow. Je voudrais déjà saluer tout le panel. Merci. La première intervention, ma première préoccupation, c'est surtout d'abord au modérateur. Quel est le temps de parole qui est alloué à chaque intervenant, à chaque instant? Et je me rends compte que... Il y a une personne sur le plateau qui fait justement, qui joue au jeu politique sur une chaîne chrétienne justement. Pendant qu'on parle de la parole de Dieu, lui parle politique. Il parle politique avec le jeu politique. Il devrait, à mon sens, parler de la parole de Dieu avec la pensée du chrétien qu'il se dit être. Ce que je voudrais relever là d'abord, c'est qu'il est en train de... Monsieur Bandakani, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Il est en train de nous faire des leçons de politique sur une chaîne chrétienne. Je souhaite qu'il parle de la Bible, qu'il nous cite, qu'il nous enseigne la Bible, la politique selon la Bible. Mmh. Et là, nous aurons beaucoup plus de... Enfin, je serai beaucoup plus prompte à comprendre. Pour le moment, il fait beaucoup de diversions, beaucoup d'analyses erronées. Et je vais intervenir la prochaine fois, surtout, certainement, pour éteindre... très bien, merci. Merci infiniment. Merci d'être passé à Bandakani. Bon, je préfère prendre la partie de son propos. Mais il nous reste à peine 5 minutes dans ce débat. Vous avez terminé et ce sera le dernier tour de table. Je note jusqu'ici que ni vous qui soutenez que les chrétiens peuvent faire de la politique, ni ceux qui pensent le contraire n'ont apporté des versets bibliques clairs, indiscutables, qui fassent consensus... Que ce soit pour ou contre. Non, c'est pas vrai. Beaucoup de versets lui ont été cités ici. Ne devons pas le jeu. Ça laisse quoi à des différentes interprétations. De versets. Non, même si je suis pas d'accord avec eux, ils ont cité beaucoup de versets. Il faut être honnête. C'est pas le jeu de celui qui vient d'appeler. J'ai convoqué la Bible plusieurs fois. J'ai convoqué ici la parole, la Bible plusieurs fois dans mes propos. Eux aussi l'ont fait. Quand on soit honnête, quand on fait un débat. Je préfère prendre la parole positive l'auditeur. Le reste, c'est bon. Ce sont des injures qui n'ont pas de sens. Je ne m'y intéresse pas. S'il me dit que j'enseigne la politique selon Dieu, ce sera pour les gens humbles qui pensent que j'ai un mot à dire là-dessus. J'ai fait des conférences, j'ai fait des séminaires. Mon outil de travail, vous le connaissez, c'est la Bible. C'est mon outil de travail principal. J'en ai pas deux. Et j'ai tous les problèmes du monde, avec, y compris mes confrères politiciens et les autres, parce que il me dit, mais pourquoi tu marches avec la Bible? Pourquoi tu ne parles de la Bible comme ça? Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, s'il est humble et qu'il n'est pas prétentieux, comme vient semble le voir dans ses propos, s'il veut savoir la pensée politique telle que Dieu me l'a enseignée, il vient, je vais le dire. Mais comme moi, je dis que je ne sais pas grand-chose et que le peu que Dieu m'a donné, ça me sert de base maintenant pour avancer, je me tiens là-dessus. Je ne suis pas venu ici faire le débat du jour. Très bien, votre mot de la fin, parce qu'on n'aurait plus la parole. Le mot de la fin est très simple, c'est clair. Je suis là pour changer le monde. D'accord. Moi, je suis en politique. C'est mon créneau que mon Dieu m'a donné de faire. D'accord. Je préfère dire mon Dieu, parce que les gens peuvent dire que ce n'est pas Dieu. Ils ont le droit de le dire, mais mon Dieu m'a donné de le faire, je le fais. Et je ne sais pas s'il faut appeler chrétien ou pas, j'essaie de vivre et les témoignages selon les principes divins. Très bien. On va peut-être rendre cet auditeur en 30 secondes s'il peut s'exprimer. Oui, bon après-midi. Oui, éloignez-vous. Vous êtes dans une zone très bruyante. D'accord. Je voudrais apporter mon point de vue par rapport à la politique et le monde dont vous faites mention par rapport aux chrétiens. Oui, faites-le rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps. Je dirais donc que Christ a dit que ses enfants, que ceux-là qui sont nés de Dieu, doivent s'affectionner aux choses en haut dans Colossiens 3, verset 2. Et dans Colossiens 3, verset 1, il dit si dans vous êtes resté avec Christ, recherchez les choses en haut. Mais je vois pas que le chrétien viendrait faire dans le monde un point d'attacher sa chose au monde et être déchu de la grâce que Dieu a fait pour lui. Très bien, merci. On a compris le fond de votre pensée. Élie Bertrand, le mot de la fin. Non, vous n'avez plus. Le père des Juifs, Jésus a dit vous êtes pour père le diable. C'était les enfants de Dieu à l'époque. D'accord. Et les Bertrand, j'ai le mot de la fin. Je rappelle au président, il ne s'agit pas des enfants de Dieu, mais des créatures de Dieu. Jésus ne peut pas dire aux enfants de Dieu que vous avez pour père le diable. Voilà. Ça, c'est un. Maintenant, les Juifs étaient. Vous m'interrompez là. Vous le savez. Tous les peuples juifs ne sont pas les enfants de Dieu. Il faut faire attention. J'ai dit qu'avant Jésus, le seul peuple que Dieu a appelé, c'était les Juifs. Vous le savez. Le peuple juif n'est pas les ne sont pas les apôtres des enfants de Dieu. Judas n'est pas un enfant de Dieu. Donc, voilà. Je mets bien. Il n'était pas parmi les apôtres. Mais il n'était pas parmi les apôtres. Il n'y a pas de problème. Qui l'a choisi? Maintenant, je vais dire, puisque il a choisi. C'est pas notre débat. Oui. Il a donné ma terre. Le mot conclusion. Le mot conclusion. Je vais conclure tout simplement en disant, comme j'ai dit ici, j'ai déjà développé ça dans mes propos. En réalité, comme je l'ai dit, si Dieu a appelé quelqu'un dans un domaine particulier, remarquez par exemple pour le cas de Joseph, Daniel, autres, ils ne se sont pas décidés eux-mêmes pour entrer dans le milieu où ils se trouvaient. Dieu les y a appelés. Tous ceux, non, j'ai compris votre position. Vous avez 30 secondes de répondre. Et j'ai dit que si Dieu vous a appelé là-bas, restez-y. Mais ce qu'il m'inscrit en faux du fait qu'on dise aux chrétiens qu'ils doivent le faire. Ce n'est pas, les chrétiens ne doivent pas le faire. Plus, est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire parce que le voici, il a de le faire. D'accord. L'équivoque est élevé. Les chrétiens peuvent faire la politique. Il peut faire la politique. Il peut faire n'importe quoi. Il peut aller à la prostitution. Il peut aller à la dérive, aller dans le communisme, célébrer une ainsi de suite. Mais il ne doit pas le faire. Très bien. André Christel Fagnol, mot de la fin. Je vois sourire au propos de Bertrand Jabda. Le mot de la fin, vraiment. Je comprends que le Saint-Esprit a touché son cœur à la dernière minute pour dire que le chrétien peut faire la politique. Parce que tout à l'heure. À l'entendre de mes propos, je l'ai dit. J'ai dit clairement que le chrétien. Non, c'est terminé. Vous n'avez plus la parole, Bertrand Jabda. D'accord. Si vous voulez vous faire. Non. Il n'y a pas de temps pour ça. Votre mot de la fin. Monsieur André Fingard, on peut faire revenir la bande vos propos durs. D'accord, c'est terminé. Moi, je vous donne mot de la fin alors. Je n'ai jamais dit ça. S'il vous plaît. Dès l'entame de mes propos, j'ai dit que. Vous l'émission est terminée. Vous n'avez pas. Vous allez vous justifier après. Non, je voulais finir en disant ceci. Joël chapitre 2. Ah non, c'est plus le temps de. Il ne nous reste que 30 secondes. Oui, d'accord. Joël chapitre 2. Vous m'avez donné 30 secondes. Je lis ça en quelques secondes. Joël chapitre 2, le verset 28 dit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Alors, aussi longtemps que nous sommes dans le temps de la dispensation de l'esprit de Dieu qui conduit tout le monde pour avoir des visions, pour prophétiser, nous devons faire la politique. Et la politique, ce n'est pas seulement la politique politicienne, mais la politique dans tous les domaines. Très bien. Le premier esprit qui a dit ça, c'est les gens qui n'ont pas eu la vision de la politique. On va fermer le micro là. Voilà, très bien. Si j'avais un mot de fin à dire à l'endroit des auditeurs, c'est que la nature, comme dit Paul, attend la manifestation des fils de Dieu. Et les enfants de Dieu seront manifestés parce qu'ils auront reçu le Saint-Esprit. Et cela va les préparer pour aller rencontrer Jésus dans les airs, redescendre après 3 ans et demi pour régner pendant 1000 ans. Donc, je ne suis pas ici pour changer le monde, pour changer les enfants de Dieu, transformer leur cœur, amener leur cœur, le cœur des enfants à la fois apostolique. Donc, en conclusion, voilà, les enfants de Dieu n'ont rien à faire pour la politique. Voilà. Et le verset biblique qui sous-tend cela? Mon frère l'a cité tout à l'heure. Il n'y en a pas. Jésus a dit, nous ne sommes pas du monde. Écoutez. C'est terminé. On reviendra peut-être sur ce débat. Merci infiniment à tous les quatre. Bandakani, merci d'être passé. Merci, apôtre Robert Kamte, d'être passé. Merci, André Christel Fanga, d'être passé. Merci à vous. Merci, Elie Bertrand, Chabda. Merci également à Raoul Patrick Biffier, qui était de l'autre côté de la vitrine. Merci. Adopteur Phil Crédit qui assurait la dimension technique de cette émission. Patrick Tchouengan pour la présentation et le débat qui va continuer en coulisses parce que ça témoigne combien ce débat est passionnant et difficile à recueillir le consensus de tous. Merci à tous. On se retrouve jeudi prochain. Chers auditeurs, on se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 9h sur les antennes Radio Bonne Nouvelle pour la rétrospective de l'actualité de la actualité politique, économique, sociale et culturelle. Et on aura 2 heures de direct pour décrypter l'actualité. Merci. Et puis, RBN Hebdo reprend de service le 2 janvier, samedi. Le 2 janvier, nous serons de service, s'il plaît à Dieu. D'ici là, bonne fin d'année à tous, bonne fête à chacun. On se retrouve à très bientôt. Que le Seigneur accorde à tous et à chacun ce qu'il a de meilleur pour lui. À bientôt. C'est ça, les informations du ciel. C'est ça, la